lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Sacha Bourque, 70%. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Écoute, j'en ai des frissons. Non, je peux faire quelque chose d'autre. Non, pour vrai, c'était pour te dérouiller, celui-là. Ouais, exactement. Let's go, on en prend un autre. Hey, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sacha Bourque. Il me fait plaisir d'être ici à douteux.org à l'émission 70%. Hey, hey! Jean-François Denommé, mesdames et messieurs, bonsoir. En manchette ce soir, il est 18h27. Est-ce que vos enfants sont en train de boire du sexe? Et à titre d'exemple de membres respectés de la communauté artistique ce soir, vos chroniqueurs Mathieu Boudreau, Alexandre Larocque, Mathieu Portelance, Arnaud Audette et Kevin, ainsi que nos invités, les judiciers masqués, en direct du Brouhaha à Montréal, vous êtes à 70%. Sacré cardinal, il est capoté. Il avait perdu le contrôle. Tout le monde avait perdu le contrôle. Merci aux douchebags, mesdames, messieurs. Oh. Good job. Sinon, ben, c'est 70%. Il s'est passé pas mal d'affaires cette semaine. Les sénateurs ont été éliminés. Oh. Ah non, mais vous riez, mais moi, un coup que les Canadiens sont éliminés, je me dis, le cirque est parti, on peut avoir du hockey seulement. Mm-hmm. Et à partir de là, je trouve que les séries sont meilleures. Donc, faites pas les séries, s'il vous plaît, messieurs les Canadiens. Sinon, toi, Bruno, c'est passé une soirée, on a eu Vincent Pic chez moi, j'ai été très content, ça s'est pas passé nécessairement comme on pensait, mais... Ben, on pensait que ça allait être un cours magistral sur des anecdotes sur Éric Lapointe. ça n'a pas été ça du tout. En fait, le meilleur de ce qui est arrivé dans cette soirée-là, c'est qu'il a oublié son coach chez nous, fait qu'il est revenu un autre soir. On a eu plein de fun deux soirs d'affilée. Sinon, ben, on va adresser l'éléphant dans la pièce, souvent. Richard Zeb? Non. Okay. Salut Richard. Ah, ça, okay, c'est fait. Low blow, Seb. Pas... Moi, j'ai rien dit, Richard. En fait, c'est s'il vous préféré. Plaît, mesdames, messieurs, on peut applaudir les justiciers masqués. Merci. Merci. Vous êtes deux. On a peut-être aussi le troisième qui va venir nous rejoindre. Il est là, Giz. Il est là. Ben oui. Ben oui, on a oui. Le troisième hey, justicier ben oui. Masqué. Giz, c'est écoute, pas très connu, ça. Il a fait toutes nos chansons parce qu'évidemment, on n'a pas de talent, comme tout le monde le sait. Donc, est capable de faire nos propres parodies à la radio. On engageait Justine Lepessomier qui est ici dans la salle pour, ben oui. Pour chanter carrément à notre place. Un donc, peu comme vous Milly lui Vanilli. Fournissiez des textes oui. Et, oui. Et lui faisait apparaître une trame sonore oui. Et des voix là-dessus. Puis de sa voix mélodieuse, disons-le, parce oui. Qu'écoute, il y a quand même énormément de talent et c'est pas des oui, blagues. Oui, ça c'est sûr et certain, ouais. En chanson. Et le reste, d'ailleurs, on en parlait tantôt, il m'a dit, pendant qu'il est dans la salle, il n'y a pas de micro, je pense que c'est l'idéal d'en parler. c'est ça qu'il faut. Ouais, hein. Il m'a dit que dans la vie, lui, il espérait faire de chanter des comédies musicales. Oui, oui. Et vous étiez au courant de ça. Est-ce que oui. Vous l'avez un petit peu comme amené loin de ça, ben on... rescapé, ben sauvé. On lui a dit, t'as jamais pensé à faire des jeux vidéo à place, puis ça a été comme... Et voilà. Oui, que dirais-tu de devenir riche? Et voilà, ouais, c'est fait. Sinon, ben, moi, je vous connais surtout parce que vous avez sauvé le Grand Prix à Montréal. Oui, mon une Dieu. Année, quand même, capoté, ça, là. Est-ce que vous avez eu une statue, me semble? C'est... Non, malheureusement, non. Écoute, on peut l'expliquer, c'était Bernie Ecclestone. Ben, c'est plus lui, depuis tout récemment. Ouais. Et puis, on s'est fait passer pour Jean Chrétien à l'époque. Tu vois qu'on est vieux, c'est triste un peu. Mais, pour les jeunes dans la salle, Jean Chrétien est premier ministre. Quand tu imites, c'est qui imitait, c'est Marc-Antoine? Aucun de nous deux, mais c'était lui qui oui, faisait la voix. Une imitation okay. Horrible. Je faisais une imitation à peu près comme c'est ça, que voulez-vous? Et donc, elle était ultra mauvaise déjà à l'époque. elle l'est encore. Ben oui, ça fait longtemps qu'elle l'a entendu. Ah ben oui, ben oui. Je m'en rappelle même plus. Ma question, c'était, est-ce que tu te forçais pour avoir la bouche croche, même au micro seulement. Oui, j'ai fait mon possible. Ça se fait comme naturellement. Non, ça sonne pas authentique, je pense. Non, mais non, c'est ça, mais c'est important quand même de faire des efforts. Puis quand on l'a eu en ligne, dans le fond, il a carrément offert un pot de vin à Jean Chrétien, mais au téléphone, fait que ça a été comme tellement la chose la plus facile qu'on ait jamais eu à faire. Et là, lui se retrouve dans la marde. Nous, on est en première page partout. On fait comme, gars, c'est un bon deal pour tout le monde. Et puis, ça l'a tellement mis dans le trouble qu'il a été obligé de sauver le Grand Prix à Montréal. Ainsi que l'industrie de la prostitution par la même occasion. Donc, on l'applaudit. On l'a salué. Merci. On l'a salué. Merci beaucoup. Mais on n'a jamais eu une pipe grâce à ça. Donc, c'est un peu triste. Mais ça, pour moi, t'es sûr? Ouais, OK. Toutes les réserves de poudre auraient stagné dans des demi-sous-sols. Puis ça, fallait pas. Non. Sinon, ben, y a une affaire aussi, je voulais vous parler. J'ai un petit peu de beef, genre. La manière que vous avez approché Philippe Lalanne, est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Ben, c'est un problème de réinsertion sociale. Non. Et puis, Philippe, à l'époque, on s'en rappelle. Non, quoi? Non, je pense que. Non, écoute, Philippe Lalanne, ben, je sais pas, est-ce que les gens savent c'est qui Philippe Lalanne? Parce qu'on a un extrait. Les gens ici savent c'est qui. T'as probablement la crowd qui sait c'est qui. Wow, malade! Never forget! Hein? C'est ça. Ouais. Oui, mais écoute, c'est lui qui nous a fait comprendre que hurler des informations, c'était mieux. C'était mieux, effectivement. Effectivement. Et mais c'est qu'au départ, personne ne savait vraiment c'était qui. C'est sincèrement, on est en 2004, là, fait que ça fait un bout. Et puis, on voit ça, ce vidéoclip-là, Never Forget, on tombe là-dessus. Je ne sais même pas si c'était sur YouTube. C'était tellement. C'était avant YouTube. C'était avant YouTube. Oui. Et on n'avait rien préparé pour notre émission comme le voulait la couture. Exact. Et on voulait le faire connaître, ça. Puis, bon, on l'a diffusé comme ça à grande échelle sans peut-être savoir que. Il était peut-être pas très au courant que c'était un gag, disons. C'est que ça se peut que. Ben, tu dis que c'est un gag, moi, aujourd'hui. Je demeure à penser que c'était excellent. Non, mais n'empêche que c'était un hit accrocheur. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que. C'est vrai que c'est accrocheur. Non, mais il y a eu un phénomène d'auditeurs qui se sont mis à remixer, des musiciens professionnels qui se sont mis à refaire la trame de Never Forget. Puis c'était vraiment bon. Sincèrement, c'était vraiment bon. Moi, je l'ai encore dans mon téléphone aujourd'hui. J'ai une version, je pense. À la AC/DC de Never Forget que sincèrement j'écoute encore. Il y a la version de Pantera là, avec le clip aussi en noir et blanc qui est sur YouTube, ça on le passe souvent ici d'ailleurs. Et Sébastien Gézé, c'est pour ça que t'as pas de blonde d'ailleurs. Oui, est-ce que vous êtes en contact avec encore? Parce que là j'apprends que c'est grâce à vous qu'il y a eu de la célébrité dans le fond. Il m'est arrivé la même affaire avec Roger Normandin. Ah oui, c'est toi, c'est Roger Normandin. Bravo! C'est pas toi, mais c'est toi. C'est moi qui l'a fait découvrir. Bravo! Je m'excuse, j'ai tué mon idole! J'ai tué! Mon idole! Non! Mais c'était comme les premières stars du web. Fait que, tu sais, t'avais lui, t'as eu le Star Wars Kid après ça. On n'était pas trop au courant que c'était ce qu'on appelle de l'intimidation. Je sais pas trop quoi. Non, mais on demandait à nos auditeurs de jouer le jeu. Mais on disait, légal, oui, jouer le jeu, puis dire que c'est une vedette, puis c'est super bon, c'est tout. Les auditeurs appelaient à mesure. Pis... Et là, remixé la tune, puis c'est devenu, écoute, c'est devenu des hits, c'est devenu. Un peu plus gros que. En fait, je pense que dans sa tête, il voyait ça peut-être un peu plus gros même que c'était. Mais c'était un bon gars. Puis, Ça me va. J'ai plus de beef avec vous. Non, c'est bon, c'est réglé. OK. Never forget. Anyway, vous l'avez mis sur la map. Fait que, après ça, il aurait pu gauler. Tu passes la puck. Puis après ça, il fait never forget. Puis il se décrivait déjà avant même qu'on le découvre ou même que qui que ce soit le découvre comme le futur roi de la pop. Il se décrivait lui-même. Comme le futur roi de la pop, avant même la mort, évidemment, de Michael Jackson, qui était le roi de la pop à ce moment-là. Mais en nous serrant la main. Non, mais donc, c'est ça, il attendait la mort de Michael Jackson pour être le roi de la pop. C'est un visionnaire. Oui. Donc, en fait, je pense qu'il a tué Michael Jackson. Sincèrement, le propofol, c'était lui dans le coup. Il n'y a pas de place pour deux au sommet. C'est cette toile-là qu'on vous tissait depuis tout à l'heure. Pousser Philippe Lalanne à l'homicide. Non. On parle d'autre chose. J'ai entendu dire que tu connaissais douteux Marc-Antoine. Oui, et je suis vraiment impressionné de te rencontrer ce soir. Ça a l'air que ta maison... Non, c'est vrai, ta maison, musée, etc. J'ai vu des images sur Internet comme tout le monde. Jamais visité, mais c'est impressionnant. C'est vraiment le fun comme soirée. Puis vous avez un très beau public. Hein? On va têter le public un peu. On aime ça, nous autres, têter le public. Tellement têteux. Tellement têteux. Il faut qu'on lui parle une fois de temps. Oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Ils ne sont pas si sous que ça encore. Il faut faire quelque chose. Sinon, on va y passer tout de suite. Moi, j'ai l'impression que ça va être 1/2. Mm-hmm. Est-ce que... Zéro, moi. Ouais. 0/2. Est-ce que tu joues à Magic? À quoi? Est-ce que tu joues à Magic? La réponse est non. Calisse de tabarnak. OK, mais c'est comme un donjon et dragon, c'est ça? Bienvenue à soi, comment? C'est un donjon et dragon, quelque chose comme ça? Ouais, genre. M'excuse, je suis désolé. On n'est pas des vrais geeks. Non. non. Tu peux être... Ouais, c'est vrai. Avant de passer au reste de l'émission, on demande de manière impromptue à nos invités de nous faire un indicatif pour 70%. Oui. Ça se fait live. Okay. Vous pouvez présentez-vous, dites 70% à un moment donné, là, take out, whatever. On fait ça C'est comme une ID. Ben, c'est ça. Vous pouvez vous parler masqué, un petit peu pendant que moi et Bruno se regarde dans les yeux. Moi, je veux dire, vous écoutez 70%. C'est on fait ça. Ok, non, salut, c'est juste masqué. C'est vraiment cool que vous fassiez votre répétition dans le micro. 3, 4. Salut, c'est les... Calice. Ouais, jamais des one take. Impossible, jamais. Impossible. Reprends, imagine qu'il n'y a pas personne. Salut, c'est les justiciers masqués. Et vous écoutez 70%. Ça faisait un peu porno. Ouais, c'est un peu pas très bon. On va recommencer, ouais. OK. Hey, parlons de porno, on va moi, parler je la trouve parfaite, oui. En fait. OK, OK. Tu veux pas qu'on fasse ça a commencé avec jamais one take, puis à la fin, vous avez dit on recommence. Ah, ouais, c'est comme vous moi, je vais très bien vous vivre êtes pas avec difficile, ça. On aime ça. On est à 70%. Oh, c'est ça, ouais. Minimum. T'sais, si, mettons, tu te forces trop, ça a l'air trop pour travailler, puis tout, de quoi qu'on va avoir l'air, nous autres? C'est ça. Hey, même plan de carrière, buddy. High five. Sinon, ben, à partir de maintenant, vous avez des micros, vous êtes à 70%. Voilà. Il y a des chroniqueurs différents qui vont passer. Mm-hmm. N'hésitez pas à éructer quelconque information que vous avez trop en tête. Parfait. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Les justiciers masqués, mesdames, messieurs. Merci. Est-ce Sinon, que ben, on passe la poque à nos amis les douchebags. C'est déjà parti. Après avoir perdu son emploi dans une usine, un jeune homme de Shanghai a décidé de se venger d'une façon peu orthodoxe. L'homme de 19 ans s'est rendu dans un guichet automatique portant un masque de ski, a utilisé un marqueur noir pour noircir la caméra de surveillance, a frappé sur le guichet avec un marteau, a vidé de l'essence à briquet sur le guichet et a allumé un feu. Puis, ayant visiblement un éveil de conscience, il a ensuite essayé d'éteindre le feu. Quand souffler dessus a été infructueux. Il s'est mis à uriner sur les flammes. Il a récemment été arrêté pour ses actions. Lorsque questionné sur ses motivations, il aurait affirmé « Comme j'avais plus d'argent, je voulais m'assurer que personne d'autre ne puisse avoir d'argent. » Ah, bravo! Logique implacable. Bravo, bravo! Il a pris ses problèmes en main, ce gars-là. Yes! J'aime ça que ça finisse, qu'il pisse sur un guichet. Quand même. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, il est trop tard, dude. Let's go, next! Oui, on se transporte en Belgique, où la chaîne Burger King est critiquée à la veille du lancement de son premier restaurant au pays. En effet, la campagne de marketing demandant aux gens de voter entre le roi du burger et le roi Philippe a été accueillie avec très peu d'humour par la famille royale. Il semble entre autres qu'on doive demander la permission à la famille royale pour utiliser leur image et qu'une telle permission n'ait pas été émise. Est-ce un acte de guerre entre la Belgique et la nation du burger à suivre? Oh! Il va falloir les diplomates se rencontrent pour aujourd'hui. Qui sait, tu savais que la Belgique avait un roi puis une reine? Ouais. Okay. Ben, Astor, en 2017. Qui ici savait que la Belgique avait pas encore de Burger King? Aha! Oh! Oh! Ah! Oh! Menteur! Let's go next! Oui, un homme de Oroville, en Californie, s'est rendu dans une branche de la banque Chase mardi dernier, donnant une note à un employé demandant l'argent de sa caisse. Robert Badger, 48 ans, se serait ensuite enfui de la banque avec un montant d'argent non divulgué. La police n'a pas réussi à retrouver l'homme immédiatement en recherchant les environs de la banque, mais à environ une heure et demie plus tard, il a été identifié grâce à son bracelet électronique qui avait été posé après sa libération conditionnelle. Un brillant. Wow. L'homme a été retrouvé dans une chambre d'hôtel. Il portait toujours son bracelet lors de son arrestation. Il y en a qui ne l'ont pas pour être criminel. Tu sais, c'est pas donné à rien. Puis là, ben, c'est pas pire. Ils vont le remettre à l'université du crime. Fait qu'il va pouvoir en prendre les cours qu'il a manqué. Ouais, devenir député du Parti libéral. Alors, ouais, chance. On les salue d'ailleurs. Allez, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. On va te revoir plus tard dans l'émission. Yes. À date, ça se passe bien. Messieurs les douchebags, s'il vous plaît. Oh yeah. Sexy. Je mélangeais à soir. Bonsoir. C'est donc bien groovy, ça. J'aime ça. Oui. Salut Arnaud. Hey, salut, ça va? Oui, je te vois avec ton téléphone. Tu nous ramènes dans les internés. Oui, je viens t'occulter et je viens vous occulter pour l'avant-dernière fois parce que je suis à l'avant-dernière section du site. Oh. Eh oui. Le site qui s'appelle occulte.net. J'ai été dans la section apparition. Donc, la première, pseudo Samaké, prénom Adam, avec un E, ville Issoudun, ou Isdun, pays France. L'histoire. Croyez mon histoire ou non, mais en tout cas, je vous jure qu'elle est totalement véridique. Ma meilleure amie, comme moi, est très croyante. Les deux sont meilleurs amis ouais, d'un deux sens. Elle est sa propre meilleure amie. Ouais, comme moi, est très croyante et passionnée de tout ce qui est esprit et paranormal. Et avec elle, trois autres amis, on va faire du Ouija dans une vieille maison abandonnée au centre-ville en pleine nuit. Toutes les personnes ayant tenté d'y habiter sont devenues folles et se sont suicidées ou ont gardé des séquelles irréparables de cette expérience. Il y a d'ailleurs encore un pied pendu au plafond. Crédible. Donc, tous les ans, on rencontrait un esprit bienveillant et on posait des questions et on apprenait un peu sur lui. Mais l'année dernière, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. L'esprit refusait de nous répondre et nous agressait avec des griffures et des brûlures. Nous, qui êtes-vous? L'entité, quittez. Nous, vous nous voulez du mal? L'entité, oui. On est donc directement sorti de la maison sans réfléchir et surtout sans savoir qu'une entité peut s'attacher à une personne. L'entité s'est donc attachée à ma meilleure amie et occupe désormais sa maison. Le lendemain, je dors chez elle vers 3h30 du matin. Ça, c'est une heure qui revient tout le temps. C'est vraiment l'heure des esprits. 3h30. En général, ça fait comme une heure et demie que tu dors à peu près. Ouais. Tu sais, ou 15 minutes si tu reviens du bar. C'est ça. Je me lève pour aller boire et je me croise. Oui, je croise mon double. Ma réplique parfaite, vêtue d'une robe de chambre blanche, et je la vois sauter par la fenêtre, tétanisée par ce que je viens de voir. Je renonce à mon verre d'eau et retourne me coucher. Au grand mot, les grands remèdes. Okay. J'ai répondu parce que, tu sais. Donc, bonsoir, madame. L'autre soir, il était 4h30 du matin et j'ai vu un meurtrier fantôme éviscérer une jeune vierge. J'ai donc renoncé à fumer une cigarette et je suis allé me brosser les dents. Ensuite, je me suis couché. Bon mot! On continue avec Yorio Bianco, prénom Giuseppina, de la ville de Lausanne, en Suisse. L'histoire. Ce matin, en me tournant dans mon lit, j'ai aperçu un homme vêtu de noir d'un certain âge. Je pense être mon père, mais dans cette chambre, ce n'est pas la première fois que je vois des apparitions, mais cet homme, lui, c'est pas la première fois. Oh oh. Ma réponse, cher Giuseppina, OK. Je continue avec Jenny. De la ville de Graquet ou Grassé ou en France encore. Bonjour! Actuellement, nous avons eu un décédé dans la famille à mon conjoint! Ce matin, quand nous sommes levés, il s'est aperçu qu'un de mes poupées, un porcelaine, était tourné vers le mur! Qu'est-ce que ça peut être? Avec 8 points d'interrogation. Merci de vos réponses. Donc, bonsoir Jenny. Ta poupée est laite. Ton chum est étonné de la voir quand tu le suces. C'est ça ou une apparition. Un poltergeist. Ouais. On continue avec Musque. Alice Musque. De la ville de Caen. Quand? En France, ou sans, ou je sais pas. C'est très mal écrit. C'est quand? Ou peut-être que c'est bien écrit, je sais pas. En fait, c'est K-A-E-N-S? Non. C-A-E-N-S, Ouais. En tout cas, on s'en calisse. Oh, ouais. En France. On ira sur donc, bonjour. Je viens de Caen. Caen. OK. Bonjour, je viens de Caen. Quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans... habitait dans une vieille immeuble, j'ai été dans mon lit est une grande personne blanche que pourrait Apple Dame Blanche. Les gens savent plus écrire. Est apparue dans ma chambre. Elle avançait tout doucement. Parfois, elle me regardait. Puis, au bout de quelques minutes, elle disparut par la fenêtre. Merci de m'aider à comprendre ces apparitions mystérieuses. Oh. Oui. Mais j'ai voulu y écrire, mais finalement, elle n'aurait pas pu le lire. Parce qu'elle ne sait pas écrire, donc elle ne sait pas lire. Sur occulte.net, il n'y avait pas encore d'autocorrect, je pense. Hein. On continue avec Philippe, qui vient de Chalon-sur-Saône. En France. En France, oui. Chalon-sur-Saône, je sais pas. L'histoire. Bonsoir, je viens de vivre un truc bizarre. En route pour rentrer du Jura à Chalon-sur-Saône avec ma femme et mon bebe, une forme étrange comme une ombre noire d'environ 1,20 mètres vêtue d'une cape noire a traversé la route au milieu de nulle part entre forêt et champs près d'un étang. Cette chose allait très vite, comme si elle courait, mais n'avait pas de jambes et se déplaçait à 10 cm du sol. On en est encore tout retourné. Ça fait vraiment peur, bien que cette chose ne nous a pas regardé. Donc j'ai écrit. J'ai écrit à Philippe son email, c'est coccinelle13000@live.fr. Je sais qu'il check encore très souvent. Ouais. J'ai écrit: cher Philippe, un sac de vidange dans le vent, ça existe. PS, coccinelle13000. Ouais, c'est ça. Les 12000 étaient pris. Coccinelle. Hein. C'était tout pris. Donc, on a maintenant Mamzelle de Pointe-Calumet, Québec! Yeah, Québec, man! L'occulte Québec. Elle va savoir écrire. Ah, ça, c'est glauque, ça. Mais c'est là qu'il y a tabarnak. Beach Club, là. Beach Club de Pointe-Calumet, c'est vrai. Préciser. Ah non, OK, c'est pas glauque. OK, c'est pas la glauque, c'est pas la fille qui se fait battre, excusez. Non, c'est pas ça. Tu gâches un peu. Oh, celle-là, je l'ai enlevée, elle était juste triste. Bon, OK. Oh, non. On continue avec Mamzelle. Bonjour. Moi et mon conjoint avons récemment fait des rénovations de notre maison. Pour ne pas dire tout refaire à zéro, je crois qu'en faisant ça et ça, on a réveillé quelque chose. Mes enfants sont dans la même chambre. Mon fils de 1 an et demi, ma fille de 3 ans et demi. Mon fils peut passer jusqu'à 1h30 assis dans son lit à jaser et rire. Et je ne sais qui... Ma fille ne lui répond pas et il ne regarde pas vraiment dans sa direction non plus. Ma fille, elle, dort très mal et très peu. Elle se réveille en criant, pleure et dit avoir peur. Quand je lui demande peur de quoi, elle me répond de lui. J'ai beau la questionner, elle perd patience après moi et me crie, lui, maman, lui. Elle dit que lui la regarde dormir et elle a peur. Je crois que l'on tire ma couverture lorsque je dors. Je me réveille en sursaut, mais comme j'ai dit, je dormais donc dur de savoir si c'est dans ma tête. Lorsque mes enfants jouent dans le salon, ils veulent absolument que je ferme la porte de leur chambre. S'ils ne le faisaient pas, ma fille s'en occupe dès que j'ai le dos tourné. Mon fils, lui, frappe dans la porte en disant « Dodo! Arrête! Fais dodo! » Ce que j'ai jamais fait, alors, je ne sais pas d'où ça vient. Que dois-je faire, mes enfants? Donc, si même ton fils de 1 an et demi te crie d'aller dormir, va te coucher sacrément. T'as répondu ça à la madame? Oui. Merci, Arnaud. De rien. Arnaud Audette, mesdames, messieurs! Comment ça va votre 70% à date? C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a pas beaucoup. Là. Après, les gens en France, ça a vraiment pu écrire. C'est vrai. T'inquiète pour le Québec. Je pense que c'est plus occulte.net. Ouais, c'est ça. Okay. Les gens qui croient aux esprits, je te dirais. Parce que les autres, ils apprennent l'alphabet différemment. Là. Il faut comme bouger. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, right, let's go. On passe au prochain. Allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô. Salut, Tartieux Tortelance. Ah yes. Oui. Oh, ça, c'est cool. Paraît qu'il y a de la porn de ça, à cette heure. Oui. Ouais. Ça, oui, il a l'air au courant. Oui, j'ai checké. Ah, ah oui, voilà. Pénis, voilà. Vous l'aurez entendu à 70%. Et vu même. Oh, shit. Hey, wow. Tiens, fais-les tourner, mais mets-les à côté du micro, on va avoir. Ah, tiens. On a eu un enregistrement de fidget ou spinner qui tombe. Ben oui. Oh, je le prendrai tantôt. Là. Ah, c'est, on s'en pas tant. Let's go, continue. Hey, je suis manqué mourir un matin. Manqué de mourir? Ouais, yes, la mort! Qui applaudit? Voyons. Hey, j'ai pris un Uber pour aller à job à 4h du matin, puis le gars roulait à 80 km/h sur Jean Talon, puis il coupait tout le monde. Ah. Puis j'ai donné une étoile. C'est mérité. Vengeance! Il m'a donné 2 étoiles. Colin, hein? Ouais, ça va mal en esti. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Hey, non, mais je suis venu vous parler. Quand je suis en secondaire 5, je joue au football dans l'équipe de mon école. Puis, c'est drôle en esti, hein? Je joue au football. Ben, je voulais me mettre en forme parce que j'étais un enfant vraiment pas en forme. Puis j'ai été en forme. Là, je le suis plus vraiment. Mais en tout cas, j'étais en forme pendant un bout. Ah ouais, c'est ça. Puis. Je joue au football, puis tu sais, je me suis pété les jambes. En tout cas, je peux plus vraiment courir, puis c'est la grosse merde. Mais il y a une chose que genre j'ai vraiment aimé dans mon expérience de sport au secondaire, c'est que à chaque game, à la mi-temps, je jouais, puis ils nous donnaient le temps des bortantes, des petites collations, puis c'était bien le fun pour ça. Tu sais, je faisais genre 20 heures d'entraînement par semaine pour des bortantes, tu sais. Mais il y a une autre personne qui tu sais, un junior là, qui était là en recrue, mais que lui, tu sais, lui était vraiment juste là pour les bortantes. En fait, il était à peu près comme ça. Puis c'est ça, il m'a emmené pendant la mi-temps. Ben, on avait des bortantes pour toute l'équipe. On était genre 25 personnes. Puis lui, il a mangé toutes les 25 bars avant la mi-temps, en cachette. Puis là, on n'avait plus de bortantes. On le salue. Puis là, ben, quand c'est arrivé, ben là, le coach le chicané, puis il l'a appelé gourmand. Oh. Puis là, à cette heure, tout le monde. Ben, j'ai tout le temps maintenant à cette heure, mais c'est genre dans le passé, mais là, tout le monde l'appelle gourmand. Puis là, tout le monde faisait ah, gourmand, gourmand. Puis là, c'est lui qui distribuait les bortantes. Après, il était pas ouais, puissant. Il en mangeait plus, il jouait plus, il faisait juste les distribuer. C'était sa tâche. C'est une position de démon. Ouais, c'est ça. C'est que là, il faisait juste genre distribuer des bortantes. Puis c'est ça, il venait aux entraînements, il jouait pas, il donnait les bortantes. C'était gourmand. Puis gourmand, c'est ça, c'était belle fun parce que gourmand mangeait les bortantes. Gourmand, quand on allait souper après les games, il mangeait au buffet. Gourmand, c'était un bon petit gars. Tu sais, j'ai vraiment aimé avec. Mais il m'a un friend, genre il y a 2 mois sur Facebook. Il m'a supprimé. Fait que genre, j'aimais ça le stalker encore, pour faire « Hey, c'est gourmand! » Mais là, il est plus là. Fait que là, c'est ça, aujourd'hui, je me suis souvenu de ça, là. J'ai retrouvé une casquette de mon équipe de football secondaire, puis là, j'ai pensé à gourmand, puis je suis parti à rire. Puis j'allais m'acheter un paquet de bortande à l'épicerie. Wow! C'est beau. Merci, Mathieu. Ben, j'ai pas fini, là. Ah, ben, ça sonnait comme ça pas mal, là. Ça sonnait comme une catharsis. Est-ce qu'on veut en savoir plus sur gourmand, là? Oui. Ben, en tout cas, sur Gourmand, je pense que j'ai fini. Mais juste pour dire, j'ai mon passeport cette semaine. Yeah! Avec mon passeport, je m'en vais aux États-Unis, à Plattsburgh, essayer le poulet frit Kentucky des États-Unis. Ouais! Ça, c'était une belle finale. Je pense que c'est ça, là. C'est vrai. Je sais que ça te touche, ça. C'est une quête que t'attendais. Tu devrais peut-être inviter Gourmand. Ouais, j'ai emmené Gourmand. Ben, il est loin, il est à Matane. Ah. C'est loin m'attendre, là. C'est loin des. Il est mon fidget spinner. Il est en avant de toi ou dans ta poche, là. Tu l'as échappé. Oui, tu l'as échappé en arrivant. Tu vois, c'est quoi? Il y a déjà un besoin. il t'en manque. Mais non, il est pas là. Hey, là, je vais perdre votre temps. Ben, on passe-tu au prochain, puis on check ça. Ah, Chris, il est plus là. Ah, il est là! Yeah! Yeah! Il est là! Tellement de catharsis dans cette galerie. Je m'en vais. Okay. Wow. Mathieu Portalance, mesdames, messieurs. Un tiers des pile poils. Juste avant de partir, écoutez ça. Wow. C'était une pinte et un fidget spinner, c'est fait. Merci. Wow. Bon, hey, d'ailleurs, c'est lui qui a fait un montage un petit peu pour vous honorer tantôt. Nous honorer ou... Ouais, ben, hey. qu'on ça, là. D'habitude, ça fait. Non, mais c'est pas de notre faute si vous avez fait rien que des niaiseries. Là. Après ça, lui, il peut juste travailler avec ce qu'il y a. Là. Je te trouve fin avec le mot niaiserie. Ouais. Tu peux dire le mot marde, il n'y a pas de problème. Ah non, on dit pas ça, nous autres, ici. Ah, OK, excusez. Non, on dit différent. Différent. Ouais. Ouais, c'est à mon temps, on appelait ça TQS. Mais là, ah, ouais, aussi. On les salue, eux autres. Hello. Aussi. D'ailleurs, tout le stock ici, tous les rideaux noirs, la toile qui descend, quand TQS a fait faillite, Marc Bélanger, le propriétaire ici, a acheté tout le stock de Love Story. Donc on... Ah! Wesh! On écoute les affaires depuis tout ce temps sur la même toile sur laquelle était projeté le Doc Mayhew, genre les grands de ce monde. Est-ce que les rideaux ont été lavés? Parce que backstage, c'était quand même produit par Guy Cloutier. Oui, c'est ça. Non, mais... Ça sent correct, ça sent correct. Dites pas « Oh, c'est vrai! » Mais là... Les gens étaient comme offusqués parce que j'ai dit Guy Cloutier, mais c'est... Ben, écoute, on... C'est pas une joke. On dit le G-word. Le G-word, oui. Non, mais anecdote pour anecdote, il invitait du monde à venir regarder les lofteuses prendre leur douche. Oui. Je l'ai lu dans le livre de Julie, ça, la lofteuse qui nous donnait la recette de spaghettis de sa mère. Oui. On l'a lu aussi, oui. Est-ce dit qu'on est vieux? Vous avez lu le même livre? Oui. On l'a même joué au cabaret biodégradable. Nous, lui, il jouait le rôle de Julie, la lofteuse. Ben oui. C'est confidences plus qu'intéressantes, je dirais. Ben sur, les coulisses du lof, et coulisses, c'est le mot-clé ici. Coulisses de tabarnak. C'est vrai. C'est ça. On va passer au prochain. Hey, sont-tu fatigués, le monde, c'est-tu sur Delorimier puis Rosemont, tout en train de me quêter des 25 cents? C'est moi qui quête des 25 cents. Moi, j'ai un honneur à garder, là. Je suis le roi de la machine de Street Fighter au loisir Saint-Donat. Puis eux autres, ils me quêtent tant des 25 cents, c'est gang de fatigants de Mongol. Tu sais, ton gin, on s'en fout, ma game de Street Fighter, c'est bien plus important. Planter des jeunes, c'est le fun. En tout cas, moi, ça va super bien. Vous autres? Ouais! Top shape. Ça va correct. Hey, moi, depuis que je suis le membre honoraire du groupe de boxe, là, ça va numéro un. Parce que Pierre Duquette, il est jaloux, il est con, tant mieux. Martial, le gars des sécurités de Loisirs Saint-Donat, il était suspendu pendant 2 semaines. Ma mère est contente. Moi, je suis content. Puis devine quoi? Véronique te parle? Alors, Clément, Stéphaneur Clément à Saint-Donat, il a décidé de me laisser, il a été Clément cette fois-là, il a décidé de me laisser... Non, on ne l'encourage pas, s'il vous plaît. Il a décidé de me laisser quitter des 25 cents à son dépanneur, parce qu'il avait arrêté, il a dit hey, « tu t'arrêtes ça », puis là, depuis que je suis le membre de The Box, il a dit « correct ». Fait que là, il a même suivi ce que j'y ai dit, puis là, il a mis une grosse pancarte en avant de son dépanneur qui dit « venez serrer la main d'un membre de The Box et vous faire quitter un 25 cents ». Les affaires sont parties, là, ça n'a plus de bon sens. T'as ton petit stand dans cette heure? Ouais, c'est ça, je suis en avant, puis je suis des 25 cents, ça attire le monde. Puis en plus, il y a un des frères Lucier qui s'est ramassé en dedans. Fait que c'est super, man. Moi, je suis content, là. Je n'en peux plus. En tout cas, là, je viens parler d'un... Ça brosse à Saint-Donat. À Saint-Donat, c'est tout le temps capoté, man. Là, je viens parler d'un sujet, là, que ça me touche beaucoup. Ça fait 2 ans que j'en entends parler en mal. Mais tu sais, la plupart du monde sont comme, oh, « Moi, je ne parlerai pas de ça. J'ose pas. Je veux pas déranger personne avec ça. » Puis on parle du pénis. Depuis 2 ans, là, moi, j'entends du monde, « le pénis. » c'est ça, parlez-en mal du pénis comme s'il avait fait de quoi de mal. Moi, ma mère, elle me l'a dit, hein. Ma mère, elle me l'a dit, c'est pas le pénis le problème, c'est celui qui est en arrière. C'est comme les armes à feu. Elle est pas folle, ma mère. Puis là, tu sais ça, le monde, le pénis, maudit pénis. Hey, le pénis, c'est beau, c'est bon, ça sert à quelque chose. Faudrait arrêter de fesser là-dessus. Bien qu'il y a des gens qui aiment ça. On jugera pas. Mais là, faut arrêter de cracher là-dessus. Ben, ça aussi, c'est correct. Moi, j'aime ça. Mais là, le pénis, là, il revient en force en 2017, là. Parce qu'après 2 ans de se faire bâcher dessus, là, il est tanné, là. L'année 2017, là, tu sauras, OK, que c'est le Year of the Cock en astrologie chinoise. The Year of the Fire Cock, vous checkerez ça. C'est l'année du pénis cette année. Ouais, ouais. Là, moi, c'est juste ça, là. J'étais venu juste défendre le pénis parce que moi, j'ai vu assez de monde, là, vraiment faire de la misère au pénis. T'as-tu eu ta dose aujourd'hui, Kevin? Non, j'ai pas mangé de fromage. Non, j'ai pas mangé de fromage. T'en as-tu? Non. Tu as été du fromage? Je n'ai pas, mais... Ah. En tout cas, ben là, en terminant, là, j'étais allé à ton musée de l'absurde l'autre jour, au vendredi douteux, là, que vous faites. Oui. D'ailleurs, t'as un vendredi qui s'en vient cette semaine. Ben toi, oui, c'est toi le VJ. Ben ah oui, c'est ça. J'étais allé à ton affaire, musée de l'absurde, puis j'ai vu que t'avais une collection de jeux de société. Puis j'ai vu que t'avais Home Alone 2. Ah, oh, calice. T'es-tu sûr que c'est à toi, ce jeu-là? Je t'ajoute, dude. Hein, t'es-tu sûr que c'est ton jeu? Parce que moi, j'en avais un pareil. Ma mère, elle me l'a acheté. Ah non, c'est à moi, c'est à moi. Je suis pas sûr, il est pareil comme le mien. Ah, c'est sûr, c'est Home Alone 2. Ah, puis... Ah, c'est à toi, moi, moi et Pierre Duquette, là, on a un quest depuis... ça fait 10 ans que je suis le quest. Je l'ai pas fini. Puis là, mon nouveau quest... Un quest de Home Alone 2? Ouais. Puis mon nouveau quest, c'est de trouver le jeu Home Alone 2. Parce que moi, j'ai eu une enfance difficile, hein, tu sais. Ben, tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, j'ai eu une enfance difficile. Puis moi, j'aimerais ça avoir ton jeu de Home Alone 2. Toi, tu restes encore ici pendant un bout, hein? Tu as le show à faire, puis tout. Oui. OK, c'est cool. J'ai les clés. Réveille, mesdames et messieurs. Hey, le jeu de société de Home Alone 2, wow. Ça, c'est un démon. C'est quoi la différence entre Home Alone 1, le jeu, et Home Alone 2, le jeu? Ben, le 2, il est à New York. Mais j'ai, mais j'ai jamais joué au jeu de société Home Alone 1. OK. OK. Wow. Intéressant. Ah, mais je suis impressionné jusqu'à maintenant. La soirée, mais vous ça? Ah! La barre était pas c'est haute. Juste de têter la salle. C'est impressionnant. Mais 70%, moi, je trouve que vous êtes pas loin de 80. Je veux pas vous faire chier, mais... Bon, c'est juste qu'on est vraiment hot, puis on donne notre 70%. C'est ça. C'est avec le temps, c'est de plus en plus facile. Puis là, t'as pas besoin d'aller dans un coin travailler. Tu sais, tu laisses l'autre y aller, puis... On est noté sur une courbe, là. C'est ça. Mais t'es à ta place. Ça va? Dis à Jocelyn des douchebags qu'on passe au prochain chroniqueur. Hey Jocelyn des douchebags, on passe au prochain chroniqueur. Chroniqueur. What you want and what you do. Merci les douchebags. Fun une bad job. C'est Chris, c'est ça cool. Rock les douchebags, hein? Ça frappe, hein? C'est... Hey, comment ça va? Ben, moi, je vis quand même un très beau moment. Oui, ouais, mais moi, je suis très content. Moi, je vivais un moins bon moment tantôt, mais là, c'est pas pire. Là, ben oui, merci Alex. Merci d'avoir gaulé encore une fois. C'est pas grave. Je faisais juste, je voulais juste te faire sentir mal. Ça a marché, tu veux? Ben, je me sens. Ouais, en tout cas. Payez ici un shooter, quelqu'un. Là. Bon, tout le monde. Payez un shooter, tout le monde. C'est bon, je suis pas gros, hein. Je vais sortir 17 sous, moi. Ben, je suis un peu mélangé. J'ai pris beaucoup de drogue. Dans les derniers jours, j'ai essayé de comprendre quelque chose parce que j'ai profité du moment que ma blonde faisait des boîtes pour en défaire une parce que j'avais le goût de jouer au Atari, tu sais. Puis elle avait déjà tout pacté. Puis j'ai dit, oh, regarde, je vais jouer. Puis là, je me suis mis à analyser des jeux, puis je pense que j'ai trouvé encore la cause du crash de 83. Puis je pense que c'est la drogue, pour de vrai. Ah ouais, oui, je suis à la recherche de cette drogue-là particulièrement. J'ai essayé toutes les drogues. OK, pour jouer à ces jeux-là, puis j'ai pas plus compris, là. OK. Puis c'est des jeux qu'on connaît souvent, là. Tu sais, si on regarde Burger Time, on connaît Burger Time. Ouais. Analyse-les comme il faut, comme Burger Time. C'est quoi? Tu sais, c'est soit un petit chef qui fait des burgers ou un chef qui fait des immenses burgers pour des géants. C'est vrai. Qui se fait courir après par ses ingrédients, tu sais. Ouais. Je fais juste des hommes même. Il peut se battre avec même. OK, puis tu regardes Q-Bird. Vous connaissez Q-Bird? C'est quand même juste une espèce de bébé trône avec un nez un peu trop phallique, t'sais, qui saute sur des carrés, qui les allume, puis qui se fait courir après par des boules mauves qui se transforment en serpents. C'est ça, là, Q-Bird. Ça me faisait penser aux chèvres, moi, qui vivent dans les montagnes. Oui, ben c'est ça. Puis il y a plein d'exemples de même. Je pourrais en sortir, mais j'ai oublié ma feuille, fait que je pourrais pas t'en sortir tant que ça, finalement. Ben, si j'avais ma feuille, là, on salue ma feuille. Mais c'est pas grave. Mais écoute, il y en a eu plein comme ça. Puis c'est tout en 82. J'ai remarqué que Joust, si on connaît Joust, c'est... C'est le jeu de l'année, mais, ça, mais en écoute, 82. Oui, bien, c'est ça, exactement. Puis c'est tous des jeux qui ont sorti en 82. C'est ma feuille qui est à terre, Merci, Élise. On a retrouvé Élise. La feuille! Bravo! Hey! C'est malade. Bon, j'ai essayé mes exemples. Burger Time, Joust, Dig Dog. Une espèce de d'homme habillé en astronaute qui creuse dans le sol pour aller gonfler des bébites jusqu'à temps qu'il explose, t'sais. C'est ça, Dig Dug. C'est tout sorti en 82. Je te dis, il y a une drogue qui est sortie en 82. Puis à partir de là, ça a mal viré, je te dis. Moi, parce je suis qu'en décembre, en 82, je ne sais pas s'il y a un lien. Mais je ne sais pas s'il y a un lien, peut-être. Parce qu'en décembre 82, c'est quoi qui sortait? C'est E.T. qui sortait. Oh! E.T. sort. Après ça, ils sont venus fous, là, après E.T. Tu sais, il y a eu quoi après E.T.? Après ça, en 82-83, les compagnies... On dirait que t'as pas encore ta feuille, hein? Non, oui, là, ma feuille, mais je t'ai pas préparé. C'est ça qui arrive. T'étais pas préparé à la retrouver. J'en sers même pas à tombe, ma feuille. Je m'en sers même pas. Puis après ça, les compagnies, en 83, se sont mis à sortir des jeux comme Kool-Aid. A sorti Kool-Aid Man. OK? Kool-Aid, puis après ça, on s'est mis à mettre l'importance sur des objets, à mettre transformer des objets en héros. J'ai un jeu ici, ça s'appelle Plague Attack, OK? Puis ça, t'es un bâton de dentifrice. Puis il faut que tu protèges des dents dans une bouche. Parce que je te dis, un bang, là, quand ça arrive sur une dent, là, pow! Ça t'appulvérise. Plus là. De dents, man. Plus de dents. Puis je pense que ça revient. Je pense que la drogue revient parce que je m'étais dit, là, ça allait bien. Il y a eu 83, le crash. Puis après ça, ils ont appris. Puis ça remonte. Mais là, je te dis, en 2014, il y a un jeu qui est sorti. Là, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est une version électronique, mais j'ai emmené une figurine. Ben c'est ça. C'est parce que c'est ça le héros du jeu. Ça s'appelle I Am Bread, OK? Puis faut que tu contrôles une tranche de pain. Fait que t'as la tranche de pain qui est là, puis elle veut se rendre dans le toaster. Elle est trop blanche? Ouais, je sais. Fait que c'est ça, je travaille là-dessus, puis j'essaie de trouver cette drogue-là. Fait que si vous avez des informations, si vous trouvez d'autres jeux qui sont susceptibles d'avoir eu cette drogue-là... Ben appelez-moi, j'aimerais bien ça l'essayer, vous devrez, parce que je comprends rien. C'est ce qui rend ces jeux-là. Fait que t'as des figurines gratuites, et voilà, figurines gratuites. Bon, merci. Wow. Bonne soirée. Hey, merci monde. Alex, Alex Larocque, mesdames et messieurs. Le technicien, et d'ailleurs, c'est le moment de la soirée où on va vivre quelque chose de magique, moi et Richard. S'il te plaît, on tamise les lumières, on peut partir la chanson. Les talents de Mathieu Boudreau au micro. Ça se passe. Vous avez dansé, là? Est-ce que c'est un plein de cochons? Ça va-tu se passer? J'ai vraiment hâte. C'est quoi, Tom? Hey, Richard, va sur scène! Richard Z. Sirois? Oui, oui, vous, Monsieur Sirois. OK, par là. Richard! Oh! Oh, quel moment! J'ai déjà été mal à l'aise quelques fois dans ma vie, mais ce soir, c'est le record. Wow! Beaucoup d'amour! Tommy et Richard sont en train de nous mettre mal à l'aise. Richard voulait pas, mais Tommy a insisté beaucoup. »70%, ça ressemble à ce qu'on voit en ce moment. Fort avec mon haleine. Fort avec son haleine. Ah, OK, décolle ici. Bon, Bravo! Des fois, il y a des choses qui sont prévues dans la vie, mais pas tout le temps. Je l'ai fait, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle arrive. Je pensais que tu niaisais, là. Mais non. Ça avait l'air d'une pyramide, un peu. Ouais, ben c'est... C'est comme... C'était de même, hein, tu sais. Ben oui. Mais je trouvais que j'avais une belle complicité. Non, mais c'est que j'ai compté la semaine dernière. Ben, il y a deux semaines, j'ai parlé de drogue. Ici même. Et la semaine dernière, j'ai juste dit que ma fête, c'est le 19 juillet. J'ai jamais eu de fête de ma vie le 19 juillet parce que tout le monde... Attention! Non, mais tout le monde se crisse de ta fête le 19 juillet. Il n'y a jamais personne qui est disponible le 19 juillet. Fait que quand j'ai compté ça la semaine dernière, j'avais une demande spéciale que Tommy et Julien Bernatchez, ou Bernatchez, Bernatchez, me fassent mon souper de fête. Génial. Et j'ai su ce soir en primeur que... Que, vous savez, c'est quoi une fontaine de chocolat ou fontaine en chocolat? Ouais, ouais, ouais. Et Tommy m'a promis pour ma fête une fontaine de 400 $ de jambon. Wow! Wow! Bravo! Par contre, wow. Le budget va peut-être changer à mesure que. Alors. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être dans ce qu'on va t'offrir va avoir déjà eu des parents. Oui. Voilà. Puis moi, J'aimerais l'avoir pour beaucoup de gens. Oui. Je suis très impolitiquement correct, ça se dit-tu ce mot-là? Politiquement incorrect. Alors, j'ai besoin vraiment de nourrir mon diabète et mon cholestérol et je fais totalement confiance à Tommy dans ce domaine-là. Alors, c'est tout. Merci pour cette belle danse. Merci, Richard. On va se reparler tantôt pour comments. Merci, Richard. Ce qui nous amène au dernier chroniqueur, tranquillement, let's go! J'ai-tu compris que tu avais promis une femme fontaine avec jambon? Ok, je le jette sûr, ça avait l'air un peu weird, mais comme vous voulez. 2017. Ah, il est là, Sébastien! Sébastien! C'était pas supposé marcher. Boudre, boudre, boudre, Boudreau. Boudre, boudre, Mathieu Boudreau. Calme-toi. Ça va bien aller. Une fois, c'est deux gars, tu sais. Le premier, il a bien du fun, là, tout, là, jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'il est tout seul. J'ai eu longtemps de la misère à dire le mot difficile. En ce temps, ça va mieux. Le mot posologie me fait penser à quelque chose de réfléchi. Le mot bizarre me fait penser à bisoune, puis marmotte me fait penser à des bébés castors. C'est inévitable. Certains disent que s'il n'y avait aucune ombre au tableau, tout le monde verrait ce qui se passe en coulisses. Mais non, on préfère fermer nos yeux d'autruche puis se laisser battre le fer pendant que tout le monde est chaud. M'a-t-elle dit pourquoi la saison 2 de The Walking Dead, c'est de la marde? M'a-t-elle dit, moi, pourquoi les Canadiens gagnent plus de Coupe Stanley? Tu vas le savoir pourquoi Côte d'Air, c'est un plein de marde. On le salue? Ben non, à la place, m'a-t-elle raconté un souvenir cocasse de Cancun quand ma tante était en gougoune. En gougoune, à Cancun, devant le buffet froid. On en fait-tu des niaiseries avec un ananas dans le péteux, hein? Oui, je pouvais te proposer quelque chose d'intelligent, de subtil, de recherché, mais à la place, les filles sont de même, hein? Les gars, c'est ça pis ça, pis par applaudissement, y en a-tu qui sont tannés de l'hiver? Ouais! Encore en tapant dans tes mains, qui est-ce qui pense à l'expression « ça coûte un bras » quand tu vois Martin Deschamps? Fuck! Fuck! Je me souviens plus comment écrire le mot « Alzheimer ». Puis c'est ça, j'ai mélangé toutes les lettres du mot « dyslexie ». C'est ça qui arrive quand Hollywood te sert trois fois de suite le même film. Oui, je parle de Spider-Man. Oncle Ben, il est mort. Spider-Man, c'est Peter Parker. C'est vrai. À date. Lisa va avoir besoin de broches. assurance dentaire. Lisa va avoir besoin de broche. Assurance dentaire. Lisa va avoir besoin de broche. Assurance dentaire. Lisa va avoir besoin de broche. Assurance dentaire. Me semble c'est clair. La tornade Boudreau vient de passer. Ça, là, moi, je vis ça régulièrement et des fois de manière extracurriculaire. Et je me fais boudrer. Et là, ce qui vient de nous arriver, tout le monde... Tu viens de te faire boudrer. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi. Oui, oui. Tu te sens boudrer. Oui, je ne serai plus jamais le même. Ça. Ben voilà, voilà. C'est ça, c'est nouveau pour toi. Oui, ça... Spider-Man, c'est Peter Parker. Oui. Spoiler, by the way. Oui. Mais des fois, c'était Ben Reilly aussi. Ah, là, tu me parles. Ouais, ouais, ben, ça a perdu pas mal de monde parce que dans les années 90, il y a eu une. Ah, non, ça compte pas, ça. Ah, on peut plus en parler. C'est pas canon, le clone saga. Ah. Check-le, le style geek, tu sais que c'est canon. Moi, j'ai décidé que c'était pas canon. Fait en tout cas, il y a plein de clones de Spider-Man et donc il n'y a plus qu'un seul Spider-Man. Okay. Il y a plusieurs. On s'en tabarnak. Ah, oh, excusez. sinon, ben, je pense qu'on, tranquillement, pas vite, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez dire salut à quelqu'un avant le sacrifice? Ou? Ben, il y avait Giz, là, qu'on n'a pas assez salué. Oui, on n'a pas parlé de Giz. Oui, Giz. Ah, Giz. Oui, Giz a non seulement une belle voix de chanteur, mais vous saviez peut-être pas, il y a une voix d'acteur porno incroyable. Savais-tu ça? Tu savais ça sur Giz? Oui. Giz, est-ce qu'on peut en parler maintenant que t'es rendu est-ce important? Est-ce que c'est correct? Bon, okay. Il est multimillionnaire maintenant, fait qu'il n'y a pas de stress. Mais c'est parce que même si t'avais dit non, on l'a mis dans le podcast la semaine passée. Giz, pas le choix. Giz est fascinant parce que Giz faisait du doublage de films porno. Oui. Pour le canal Illico. C'est vrai. Je savais pas comment ça fonctionnait, moi, puis fait qu'on lui a posé une série de questions là-dessus, tu sais. Et il faisait tous les sons lui-même avec... Giz, veux-tu... S'il te plaît! Ah, viens t'en, Giz! Mesdames, messieurs, Giz! Un des meilleurs YouTubers au monde! Viens faire des sons, Giz! Ah! Ça, en fait, Giz, de toutes les choses que tu m'as proposé de faire, c'est... Celle que j'ai refusée, parce que ça ne donnait pas, ils m'ont invité à aller faire du doublage de porn et ça n'a pas donné, j'ai pas eu le courage. Parce que nous, on voulait y aller avec Richard Zen, mais on nous a dit, votre voix est trop reconnaissable, surtout Richard avec sa ah voix. Ah oui, plus... encore! C'est bon! Ah oui, ah, c'est délicieux! La compagnie existe toujours et il n'est pas trop tard. Hey! Ah, regarde! Richard Zen, connais déjà. Max. Mais parce que Giz, mais explique-nous comment tu faisais, vas-y. Parce que tu nous avais tout dit ça, non? Il faut que tu fasses... Okay. Non, les bruits de bouche. Pour sauver du temps, mettons que je suis en train de bagner une fille, en train d'en manger une autre et que j'avais du texte, j'avais l'air de ça. Ah ouais, ah ouais, c'est bon. Voilà. Bravo! Non, mais je savais pas ça. Ah non, mais c'est informatif. Giz, mesdames, messieurs. Hey, s'il vous plaît. Regarde. Hey, c'est pas rien, là. C'est le contraire c'est de rien, Marc-Antoine. Ouais. Mais je vais te dire quelque chose. C'est à l'époque, quand tu te loues un film au canal Illico puis tu reconnais la voix de ton ami Giz, c'est moins le fun. C'est moins le fun. Non, ça... Il y a comme quelque chose qui est... Ben oui. Mais surtout qu'il avait l'air de parler beaucoup, mais ça, on s'en crisse de l'opinion. Ouais, mais c'est ça, moi aussi, je suis en train de me dire ça. À quoi ça sert de doubler des films de cul? Écoute, il nous avait expliqué que quand tu voyais pas la bouche des comédiens, donc souvent... Il peut dire ce qu'il voulait. C'est ça qui me fascinait. Mais oui. Arrêtez de voter à droite. Exactement. Voilà. En tout cas, j'aime ça que Giz soit là et qu'on parle de lui et qu'il n'y ait pas de micro. C'est vraiment hot. Est-ce qu'il vous a déjà invité à un show puis que vous êtes allé puis commentaire, blabla? Une couple de fois. Mais là, j'imagine qu'il voulait comme arrêter d'en parler parce que c'est un peu. Il est devenu un peu droite pour raconter cette biographie non autorisée. Ouais, j'avoue. Tu vois, il regarde à terre. Oui. Ah, il quitte la salle. Non, il se touche présentement. Donc, messieurs, on va vous réentendre dans quelques instants. Pour l'instant, on va aller au dernier chroniqueur. Oh! Ouh! Orlando Melendez de Springfield au Massachusetts. C'est parce que vous écoutiez pas. Ouais, c'est ça. A été arrêté pour tentative de vol à main armée alors qu'il avait utilisé une fausse arme à feu pour voler un dépanneur. Ah, ben oui. Attends, il y a un genre de... Ah, non! Oh, yes, un clown! Tiens, va te mettre à côté de nous autres. Ça faisait longtemps, hein? On s'ennuyait. Si je l'aime, lui, hein? Non. Ben oui, allô? Non, ça va vraiment peur des clowns. Il y a vraiment une phobie des clowns, incroyable. T'es en train d'attaquer le... C'est vraiment agréable. Douteux. Bon, c'est Alan Smithy, c'est notre clown muet. Ah, OK. Oh! Il est inoffensif, mais il traîne beaucoup de malaise avec lui. Oui, oui. C'est son pouvoir. Alan Smithy, c'est bon, c'est fort, c'est recherché. À plus tard, ouais. Alan, décalisse, là. Oui. Pardon. S'il vous plaît. Merci, Bruno. Bruno. Alan Smithy, là, allez, c'est la... Poche musique, mesdames, messieurs. Donc, on retourne dans le monde de l'actualité. On se souvient qu'il s'appelait Orlando Melendez. Oui. Qu'il habite à Springfield, au Massachusetts. Et qu'il a été arrêté pour vol à main armée en utilisant un jouet. Pour voler un dépanneur, l'homme qui assure lui-même sa défense a plaidé non coupable et base sa cause sur le fait qu'il peut prouver qu'il est réellement un clown. Et justement... Oh oh! Et que donc, c'était une blague. Oh! Ouais! Oh. Vol de dépanneur, on commence à moins 6. Puis là, c'est un clown, puis c'était une blague. Il a demandé au juge de lui permettre de jongler devant la cour pendant 20 secondes. Pour prouver. En guise de preuve qu'il est un clown. Et que c'était une blague. Sa demande a été rejetée, on lui souhaite bonne chance. Vol de dépanneur, c'est moi, c'est... À toutes les fois, c'est moins 6. Ça commence à moins 6, oui, un vol de dépanneur. C'est savoureux. Suite à la visite du président des États-Unis, Donald Trump... Fuck, ça... Il y a un gars qui est beau. C'est encore weird de le dire tout haut, hein, pareil. Le président Trump. Président Trump. Ouais. Ouais, donc... Le gars qui a fait de la lutte et qui s'occupait des concours de belles madames... Donc, suite à une visite du président des États-Unis, Donald Trump, en Arabie Saoudite, le secrétaire du commerce Wilbur Ross a souhaité féliciter son commandant en chef en affirmant à la télévision nationale qu'il est fascinant que sa visite n'ait pas été interrompue par une manifestation, aucune pancarte négative. Après que son intervieweuse lui ait fait remarquer que les manifestations étaient illégales en Arabie Saoudite. Ross a renchéri, affirmant que son point était vrai en théorie. Oh, tabarnak! Mais que, eh boy, il n'y avait aucun signe de protestation et que l'ambiance était une vraie bonne ambiance. Aïe, aïe, on vit de l'autre côté du miroir en ce moment. Ah oui, vraiment? De l'autre côté du pauvre miroir. Pauvre petite cave! Aïe, j'y souhaite au moins 4 coups de pied. Tabarnak de calice. Et finalement... Ça aurait pu être la bonne nouvelle, 70%, en fait. Ça va bien en Arabie Saoudite. Jamais de manifestation. C'est la dictature, la... Manifestation. C'est la dictature la plus encouragée par l'Ouest, ça, c'est sûr et certain. Vive le pétrole, si on est tous... Ah, il a tué, pétrole! Pétrole! OK, on passe au prochain. Ah, ça va bien. Une femme de Akron, en Ohio, s'est rendue dans un club vidéo. Quoi? Un club vidéo? Hein? Où? Hein? Ça se peut? Oui, un club vidéo. Un club vidéo, afin de voler l'argent... L'argent dans un club vidéo, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Ça marche pas. Et ça, c'est une vraie nouvelle. Dans 98. Une femme d'Akron en Ohio s'est rendue dans un club vidéo afin de voler l'argent de la caisse. OK, j'ai réussi. La femme s'est présentée à la caisse avec des DVD, probablement pour être moins suspecte. Oh. Le commu lui a alors demandé son numéro de téléphone afin de pouvoir rentrer dans sa fiche d'abonné. Et la femme a acquiescé, lui donnant son vrai numéro de téléphone. Oh, oh, oh! Oh, mais là. La femme a ensuite posé une note sur le comptoir affirmant qu'elle avait une arme et demandant l'argent de la caisse. L'employé lui a donné l'argent de la caisse et la femme a quitté les lieux. La police a émis un mandat d'arrestation en se basant sur les informations trouvées dans sa fiche d'abonnés au club vidéo. Mais elle a volé quoi? de l'argent. Ben, probablement. Là, un film, combien ça coûte louer un film à ça? Tu sais, j'ai loué un film ici dans les 20 dernières années pour sur vrai. Sur le club illico, ouais, c'est combien? Non, mais Jesse, tu comptes pas? Ouais. C'est 11 et quelque chose quand même. Hey, c'est capoté, ça. 11 et quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Ça. Merci beaucoup. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. C'était des bonnes nouvelles à soir, là. Je te remercie beaucoup en particulier pour le vol de dépanneur. Moi, c'est sûr que c'est il y en a eu plus qu'un ce soir. Il y a eu un vol de banque, un vol de dépanneur, puis un vol de club vidéo où j'étais là. J'ai tout fait ça pour toi, Tommy. Ah, c'est-tu que je... Oui, c'est ça, c'est toi le coupable. Tu t'es déguisé en fille pour le club vidéo en Iowa. on s'en reparle. Rendu là, je pense qu'on est rendu à la fin de l'émission. On passe le montage qui a été créé par nos amis les Pile-Poil dans quelques instants. Peut-être que je pourrais avoir un Pile-Poil sur la scène pour venir en parler. Sinon, ben les justiciers masqués, on peut vous suivre sur Facebook. Qu'est-ce qui toi, tu retournes dans la célèbre sphère bientôt. Oui, dès lundi prochain à Radio Énergie à 16h. Et puis, j'aurais peut-être accompagné d'autres gens présents dans la salle, on sait jamais. À suivre. Et voilà. Richard Z est là pour parler de nos moments humiliants en carrière. Richard, et il y en voilà. a beaucoup. Merci beaucoup à Marc-Antoine aussi. Mais oui, ça a été un plaisir. Ben voilà. Ben toi, tu retournes dans la non-célèbre sphère. Exactement, je retourne immédiatement, immédiatement après la fin de l'émission. Et voilà, mon cher. Tu reviendras nous voir, on va te repartir ça. Ça. Alors, bonsoir tout le monde. C'est dormi officiel, Richard. Là. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, j'ai pris de la drogue. Bon, les Pile-Poil, on vous a dit de pas le maganer, là. Ben non, juste vous dire qu'on va avoir un petit montage que moi j'appelle hommage, dommage aux justiciers masqués et au travail que nous on a fait ensemble pendant plusieurs années. Ce sont des amis que j'adore, des gars extrêmement fins, Sébastien Trudel et Marc-Antoine Odette. Et il y a quelques jours, viens-t'en, Simon. Simon et la gang des Pile-Poil, ils nous ont invités chez eux et il y a une photo qui circule très humiliante pour moi, de moi devant 4 pizzas extra large en dresse. Et alors Simon va vous parler du petit montage que fait. Juste vous dire que dans 20-25 minutes, on va vous présenter une application extraordinaire qui s'appelle Commons, C-O-M-M-E-N-2-T-S. Le créateur de l'application est ici, mais il veut pas parler. Il s'appelle Jean-Sébastien Loiseau. On va en reparler tantôt. Merci Jean-Sébastien d'être avec nous. On va tasser le podium et baisser l'écran. Ça va permettre à notre ami Simon Portelance de peut-être parler en quelques mots du montage. Je veux remercier les douchebags, Monsieur Cardinal Éthérien à la musique. Merci aux techniciens, à sa prestige. Merci aux chroniqueurs. Et puis ben, merci aux invités et à vous. Voilà, merci à Mathieu. Merci Mathieu. Très rapidement, c'est ça, l'application s'appelle Commons, Jean-Sébastien est ici. Vous pouvez la télécharger, l'application, puis il y aura, lui, Jean-Sébastien paye la bière aux gens qui auront sorti la meilleure autour de la table. Juste dire bonjour à Constance qui est ici. Constance a fait les T-shirts de Rock et Belles Oreilles, un magnifique graphisme. Et Jocelyn Terrien qui a composé pour notre vieux groupe la musique de Sarah en rap, Arrête de boire et Bonjour la police. Merci, Sébastien Terrien. Alors, ceux qui veulent essayer l'application Commons, c'est gratuit, c'est amusant, c'est... Justin Masqué et moi sommes ambassadeurs de ça. On va vous en présenter des exemples après le merveilleux montage que Simon va nous présenter. Hey, salut la gang, ça va bien? Ouais! Hey, un oiseau, c'est hot. Ben, en gros, ce qu'on a fait mardi dernier, Richard et les justiciers masqués sont venus chez nous. On a mangé de la pizza, on a bu de la bière, puis on a numérisé des VHS d'archives, certaines archives glorieuses, certaines moins, des justiciers masqués. Après ça, on a fait un gros montage de ça par-dessus une cassette de Bleu Nuit. Des fois, il y a comme des cuts bizarres, c'est pas grave. Appréciez le moment, ça passe vite. Il y a des beaux moments, puis ça va être très agréable. Je pense que j'ai rien d'autre à dire, fait que envoyez le. Hey, wow, Tommy Godet, c'est de l'intimidation. Ouais, décollez, si on écoute le montage, let's go. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? devient partenaire et contacte les productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Bonsoir tout le monde. C'est une soirée spéciale qui commence ce soir parce que, comme vous le savez, c'est une élection partielle dans Gouin et je vous ai pas achalé avec ça, fait que j'en profite là vu que c'est comme le dernier go parce que c'est aujourd'hui les élections et peut-être même que c'est fini. Donc n'oubliez pas d'aller voter et voter Blockpot parce que je suis l'agent officiel du candidat. J'ai dit oui pour que ouais. Faut s'impliquer dans la politique. J'ai dit oui parce que on m'a vraiment promis que c'était pour m'aider avec les filles. Fait que j'attends les retombées. Sinon, bienvenue au meilleur show gratuit du lundi au monde. Ça ici, ça va être vendu à l'encan ce soir. C'est un petit tapis de souris. J'aime donc bien ça. Le hockey est encore vivant sur Endor. Mais je veux vous montrer ça, pas nécessairement pour vous donner le goût, mais plus pour faire un segue facile vers la dernière fois que j'ai fait l'encanteur. Ça a été sûrement le meilleur encant de tous les temps. On a commencé à 20$ cette magnifique peinture qui a été faite par Constance Harvey de Constance Harvey Publishing Limited. Et on a commencé à 20$. Et donc, moi, j'ai renchéri, j'ai dit 30$. Faut pas oublier que c'est moi qui ai l'encan. Et ensuite, j'ai dit, pourquoi personne le veut? Ça vaut au moins 40$. Et là, après ça, j'ai dit, ben, fuck it, je te donne 60$, puis tu me le ramènes dans un beau cadre, puis tu continues ses côtés. Et donc, c'était moi l'encanteur. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Et maintenant, j'ai une très belle sirène. Ça va aller à côté de la place où on fait la vaisselle. Merci beaucoup, Constance. Constance Harvey, oui. Constance Harvey qui est avec nous encore une fois ce soir, qui va s'occuper de nous créer une œuvre, encore une fois, visuelle, qui va être vendue à l'encan à la fin de la soirée, parce qu'on a quelque chose d'assez compact qui s'en vient. On va terminer avec les talents généséens de Olivier Sirois, qui va nous essayer un petit set de VJ. Après le long métrage que vous avez voté sur douteux.org, c'est-à-dire l'excellent La Force Boréale, version française de Fist of the North Star, mettant en scène Gary Daniels dans le rôle de Ken le Survivant. Ken le Survivant, je ne sais pas si vous savez, mais c'est probablement le héros le plus imbécile de toute l'histoire. Sa phrase préférée qu'il dit le plus souvent dans le dessin animé, c'est Et à la fin, il tue le méchant. Et ça, on est très contents. Donc, on a la version française, adaptation cinématographique. C'est loadé d'acteurs qu'on aime. Gary Daniels, il est à moi, par contre. On va en parler un petit peu plus tard. Sinon, ben, juste avant ça, on devrait avoir une soirée un petit peu particulière qui va mêler les talents des justiciers masqués ainsi que ceux de Richard Z. Sirois dans une application qui s'appelle Commands 2M2T. C'est à downloader, c'est gratuit, c'est 100% québécois. On va peut-être aussi avoir celui qui a créé l'application plus tard pour en parler un petit peu. Donc, ils vont nous dévoiler un petit peu comment ça se passe là. Et puis, ben, ça devrait être quand même assez de la publicité qu'on est content de faire pour du monde qu'on aime. Bon. Et ensuite, on va aussi avoir un montage particulier de nos amis les Pile-Poil. Tout le monde les connaît, oui. Il y a au moins une personne dans ce groupe-là qui devrait aller se faire couper les cheveux. Tout le monde, on voit la même. Ça devrait être particulier tantôt, oui. Et avant ça, voilà, on va avoir un 70%, comme d'habitude, le podcast de ceux qui donnent le strict minimum. Ce soir, on est très content de revoir les douchebags ici. Jocelyn Thérien, JF Cardinal. C'est vraiment content de te revoir. Jocelyn, qui a été le premier house band avec ses amis, voilà, c'est vraiment un bonheur de te revoir, Jocelyn. Fais attention à toi. Et puis, ben, sinon, dans ce 70%, on va accueillir les justiciers masqués, finalement. On vous a eu, c'est incroyable, c'est incroyable. On va parler sûrement de rien et de tout, de dinosaures, parce que moi, j'aime ça parler de dinosaures. Et juste avant ça, pour mettre le feu dans cette soirée, le meilleur show gratuit du lundi au monde, on salue le monde qui nous écoute en ligne. Vous savez pas comment Alex s'est fait chier pour vous autres à soir, en tout cas. Merci à Alex Larocque. Ben oui, puis merci à Olivier et à Stéphane Mallette, l'équipe technique. Oui. sans qui rien de tout de cette magie ne serait de tout de possible. Et donc, pour commencer la soirée, s'il vous plaît, il est grand, il est barbu et il semble odorant. C'est JF Denomé, mesdames, messieurs. Il est en forme. Faites un putain de tonnerre d'applaudissements pour Tommy Godet, tout le monde. Yeah! Yeah, man, douteux, ça fait longtemps que je suis venu vous voir, pour vrai. Y en a-tu qui m'ont déjà vu ici par applaudissement? Ah, toutes les autres, all right. J'ai compris une couple d'affaires, pour vrai, ces derniers temps. J'ai compris que je comprenais fuck all, man. C'est-tu que je comprends rien, man? Juste pour être cool, mettons, tu sais, ça te prend des tatous de sauvage, une barbe de chasseur puis une chemise de bûcheron. Mais tabarnak, faut pas que tu manges de viande, faut pas que tu donnes mot, faut pas que tu coupes d'armes, man. Je suis le seul à faire une névrose là-dessus. J'ai fait un test de QI l'autre fois sur Facebook. Puis dans le test de QI, il disait que j'étais dans le 3% des plus intelligents de la planète, man. Pis ça, moi je trouve ça inquiétant. Moi, là, que l'alcoolique qui a des jokes de pute morte soit plus bright que 97% du monde, je sais pas, il y a un problème là-dedans. Il y a vraiment un gros problème. Tu sais, en fait, je suis pas un cave tant que ça. Je comprends une couple d'affaires quand même. Là. Moi, je suis plus un genre de connard qui t'insulte gratuitement. T'sais, moi, je suis le genre de connard. Je t'insulte gratuitement, mais c'est jamais méchant, mes insultes. Comme je fais « Ah, t'es laid, c'ti de pauvre! » Mais c'est pas méchant. Tu sais... Je suis le genre de connard qui serait pas un dictateur, mettons. Parce que, mettons, un dictateur, c'est un peu moyen d'esprit, là. T'sais, un dictateur, on s'entend que c'est quelqu'un qui est trop niaiseux pour comprendre n'importe quel style moral de film de Walt Disney. T'sais, on s'entend, si tu deviens dictateur, c'est que t'as jamais compris que dans Rocky Rookie, c'était triste quand on voulait tuer le renard, là. C'est ça. Puis je trouve que c'est pas de leur faute aux dictateurs en passant. Moi, je pense que être dictateur, c'est une forme d'autisme. Un peu. Non, laissez-moi aller. Il y a un isolement social puissant, il est très peu empathique, puis ils ont des tocs. Ils ont des tocs solides, les dictateurs. Ils sont comme « Ah! Zévé, lancez la bombe atomique! » T'es comme « Non, man, Chris, va lire tes livres d'histoire, Hiroshima, Nagasaki. » Il est comme « OK, j'ai lu les livres! Zévé, lancez la bombe sur les Américains! » T'es comme « Non, tabarnak, si ta bombe, elle se rend même pas jusqu'aux Américains. » Il est comme « OK, j'ai une idée, je vais lancer la bombe de l'océan. Oh, Chris de gros coréen, esti, lance pas ta bombe nulle part, mange du sort puis bave-toi-tu comme tout le monde, esti. » C'est plus weird, mais c'est moins nocif, esti, c'est quoi ça? Non, pour vrai, les dictateurs, moi, je comprends pas. Comme le monde devient fragile parce qu'on vit dans un monde où les personnes intelligentes, genre, se mettent en dessous des caves, un peu. Comme je sais pas s'il y en a par applaudissement qui ont vu la série 13 Reasons Why, 13 raisons. Y'en a-tu qui ont déjà vu ça? Pour ceux qui ont pas vu ça, dans le fond, c'est l'histoire de Anna Baker. C'est une fille genre qui se fait traiter de slut au secondaire, puis elle trouve ça bien difficile, puis elle se suicide en faisant des cassettes qu'elle donne à tout le monde. Puis les cassettes, c'est genre « Ah, Jean-Maxime, j'ai pas aimé ça quand tu m'as traité de grosse conne. Me suis suicidé à cause de toi. » C'est à peu près ça, 13 raisons. Dans le fond, 13 raisons, c'est comme si Meg de Family Guy était un peu chialeuse. Était... Puis il y a des chercheurs américains qui ont comme trouvé que cette série-là pourrait mener certains adolescents à commettre l'acte, genre à se suicider carrément. Puis j'étais comme, c'est une série, là. Si une série te porte à te suicider, moi, je trouve que c'est de la sélection naturelle. T'es pas apte à la vie si une série te fait te suicider. C'est quoi ça? Juste tes dettes d'étudiant, tu vas te gonner dans les genoux. T'es pas prête à survivre à la vie. Mais je me disais, Chris, c'est des chercheurs qui ont trouvé ça. Peut-être qu'ils ont raison. Fait que je me suis mis à écouter Breaking Bad non-stop jusqu'à temps que je puisse faire de la meth. Puis mon voisin, il est super intelligent. Il m'a dit que ça pourrait peut-être marcher. T'sais, lui, il est médecin. Il a écouté Grey Anatomy. Puis... Faut juste pas que j'écoute trop de porn parce que ça me tente pas de traiter les filles comme des chiennes pis d'avoir un gigantesque pénis noir. Puis, le monde sont comme hein, ils regardent la porn de pénis noir, il est dans le 3% des plus intelligents de la planète. Oui. Non, mais je trouve que c'est vrai qu'on devient fragile. Tu sais, si la fin du monde arrive demain matin, là, pis c'est officiel, là, c'est pas aux nouvelles, c'est sur Facebook, c'est officiel. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, honnêtement, j'attends la fin. Moi, je suis sur mon balcon avec un putain de daiquiri dans un ananas, puis j'envoie chier les petits bourgeois qui capotent. Je suis comme, non, t'en as plus de ma biquea, gros cave, est-ce que tu vas t'en? Puis plus la fin du monde est intense, plus je suis saoul. Je suis comme, non, si, elle te sert à quoi ta carte Costco aussi? À la place de te payer des REER, t'aurais dû te payer des putes, man! C'est juste ça. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve que notre monde n'est pas si important que ça. Tu sais, c'est pas si important que ça, se lever, aller travailler, pour se payer des vacances, pour aller se prendre en photo, pour montrer à tout le monde que t'as réussi à faire semblant d'être heureux. Genre, si, regarde, on a fait une danse africaine, c'est le bord de... Je veux pas la voir, ta danse africaine. Je le sais déjà, c'est quoi une danse africaine? Tu danses pis t'as faim. Je le sais. C'est quoi une danse africaine? Non, mais pour vrai, si l'humain disparaît, vous savez, ça change quoi? Ça change rien, man! Aucun animal mange de l'humain. On est au sommet de la chaîne alimentaire. Puis en passant, on est au sommet de la chaîne alimentaire pas parce qu'on est si brillant que ça, là. C'est parce qu'on doit goûter dégueulasse, man! Ah! Ben oui, c'est un long corps sur deux pattes, man, qui fume, qui prend plein de pilules, qui mange du McDo, man. On doit goûter le vieux fœtus périmé, man, c'est ça? C'est ça qu'on goûte, c'est ça. Ben oui, je m'excuse. Si l'humain est le maître du monde, c'est pas parce qu'on est puissant, c'est parce qu'on goûte la vieille grosse putain de vieille godasse de sans-abri qui a un nom incarné dessus, là. C'est ça qu'on goûte. Juste mets-toi dans la tête d'un lion. Un mardi matin pour déjeuner, il y a deux options. Une délicieuse gazelle rafraîchissante ou Claude Poirier. Tu manges pas Claude Poirier. Est-ce que tu manges Claude Poirier, tu pognes pas à salmonelle, t'attrapes le scorbut, tabarnak. Est-ce que c'est tout pour moi? Ici Vincent Lemaitre-Vierge et Maud Cicciarello du groupe Les Belvédères. Vous écoutez 70% la meilleure émission. Ah, oh, ben c'est nous autres, ça. Douteux, est-ce qu'on a du plaisir ce soir? Yeah! Est-ce qu'on est prêt pour l'encan? Ouais, hey, crime! J'espère que vous allez tous participer autant de même dans l'encan. Alors, non, oui, boy, hein, on était moins sûrs sur celui-là. Alors, on va commencer en feu ce soir avec la cuisine italienne faite par Waverly Root, une pure italienne, pure et dure. Alors, on commence ça à 1$. Un livre de recettes, là, la cuisine italienne. Écoute, on a des recettes, la recette de grand-mère, des paysages à couper le souffle. Écoutez, des incroyables. 1$. 1$. 1$ là-bas. 2$ là-bas. On a 2$ ici. 3$. 3$ une fois. 4$, on a écrime 4$, là, c'est des recettes, là, vous en avez, c'est incroyable, vous en avez, là, 5$, 5$, ça va, je paierais 20$, moi, pour avoir ça, là, 5$, une aubaine, non, je paierais, mais je suis lanquant, tu sais, fait que 6$ une fois, 5$ une fois, 5$ deux fois, 5$ trois fois, exigé, juste ici, notre fabuleux livre de recettes. Mais je vais en lire un passage. Tu veux lire un passage? On va avoir un passage de l'extrait. Ah ouais. Lis-nous un petit extrait de tout ça, là. Comment on fabrique un fromage en Italie? Chut! Kevin, c'est pour toi, ça. Comment on fabrique un fromage en Italie? Les Italiens attachent une importance d'autant plus grande au procédé de fabrication de leur fromage que ceux-ci constituent un important élément de leur préparation culinaire. Incroyable. Sans mots. Il vient de rentabiliser son 5$ en deux phrases. Alors, on passe au deuxième, un VHS, Run and Kill. Ben là, un lot de VHS, donc c'est toute la gang d'une shot, là. Hey, tabarouette, là, on a tout un deal, là. On commence avec le film Run and Kill, qui met en vedette Billy Tang, Hong Kong's Most quelque chose, j'imagine l'acteur. Ensuite, Au service de Sarah, qui doit être excellent. Un film suspense, tout le kit, là. Ensuite, on a... Ben oui, c'est Bugsy Malone, c'est ça? Je connais ça, moi. Fait que, écoute, je nommerai pas tout ça. On va partir avec un enchère à 100$. Là, on commence ça 2,50$, mettons, là. 12, là. Donc, 3, on avait dit 3$ une fois, 3$ deux fois. Il y a plein de films, là, avec un gars d'Hong Kong, là. 3$ trois fois, exiger là-bas. Ensuite, là, on s'en va dans les pièces de résistance. Alors, on a le tapis de souris de Endor. The Forest Moon of Endor. Tabarouette. On a une pièce là-bas. Ça commence rough. Ça commence... 3 pièces, tabarouette. On a triplé, toi, triplé. 3$ une fois. 4$. 5$, tabarouette, shake. 5 pièces une fois. 6 pièces. Où ça, 6 pièces dans le fond? 6,50. 7 piastres. On a 7 piastres là-bas. Attends, 7,50. J'ai entendu 7,50. Eh, hey, boy, là, on s'est désisté, hein? 7,50. OK, on a 7,50 une fois. 7,75. Une fois. 8. Et tabarouette. Eh, hey, maudit, les émotions ce soir, mesdames et messieurs. On s'attendait pas à une soirée comme ça. 8$ une fois. 8$ deux fois, hey, pensez-y. Comment? 9$! Tabarouette, le tapis de souris est en demande ce soir. 9$ une fois! 4$ de cuisine! Oh, on va y aller avec 9$ deux fois! 9$ trois fois avec sujet pour 9$! Et je crois que c'était tout. Non, c'est vrai, on a aussi le fabuleux dessin de Constance de ce soir. Alors, on affiche ça. Regardez-moi ça. Hein? Là, le tapis de souris a atteint 9 piastres, fait que j'espère que le dessin va au moins atteindre 9,50, mettons, là. Fait que, ben, mettons, on va y aller, là. On va starter généreux, mettons, là. 5,50. 6! 7! 7 piastres, suite! Quoi? 10? 10$! On a 10$! 20$! 20$! 25! Tabarouette! Je suis plus capable de gérer, là! Wow, la pression, mon Dieu! 25! 26$! 26$ une fois! 27$! 28! 40! Non, 30! 30 une fois! 32 fois! Oh! Oh, il sort le portefeuille! C'est le portefeuille au complet, mesdames et messieurs! On est à 30$. 31$. Quoi? 35$. On a 35$. 36$. On a son enfant là-bas. T'as-tu mieux? On a son enfant. Là. Mes 4 enfants, puis 5. On est à 36. OK. 36$ une fois. 40. Ben, c'était toi qui avais le 36. Mais OK, 40$ une fois. 41$! C'est mon Dieu, 42$, mesdames et messieurs! 42$ une fois! 42$ deux fois! 42$! Et voilà! Oh, ouais! Oh, oh! 45! Hey, à dernière seconde! Mon Dieu! Hey, là, ça niaise plus là! Oh! Vas-y! 45 et 50. Tabarouette. On va dire 46, mettons, là. Donc, 46 une fois. 46 deux fois. Exigé pour 46$, et voilà. On peut faire un dernier lot. Ben ouais. On peut faire un extra. Ben ouais. Avant, la prochaine fois. Ben ouais, surprise. Ok, alors surprise, on va faire tirer un t-shirt à l'encan, fait qu'il n'est pas tiré finalement. C'est un, je crois, médium. Mais on peut changer la taille pour 10$ de plus, là. Donc on commence ça, 7 piastres. On peut s'arranger pour qu'il y ait un large. 10 piastres une fois. 12 piastres. Ben, y en a deux fois 12 piastres, là, je peux pas. 15 $ On n'a plus de large, mais 15 $ pareil. Ah, ben là, trop tard, t'as collé. Je peux plus rien faire, moi, là. 16 piastres, hey, t'as été sauvé. 17 $ une fois. 18 $ Hey, attention, là, en ce moment, là, ça 19. On a-tu 19? Tabarouette, crime, là. On va faire de l'argent avec ce T-shirt-là, ça continue, là. 19. Combien? 20? 20 piastres, oh mon Dieu! On vient d'atteindre le déficit zéro, mesdames et messieurs! Wow! 20 piastres une fois! Comment? 22? 22! OK, 22 une fois! 22 deux fois! 22 trois fois! Hey, 2 piastres de profit, merci beaucoup! Et c'est tout, c'est ce qui met fin à l'enquête. Je vais te porter ça en personne, te signer le mamelon, tout le kit. Merci à David, s'il vous plaît! Merci à Étienne aussi. Merci à Mathieu qui va passer la petite boîte. Un merci tout particulier à Olivier, à Stéphane et à Alexandre, sans qui rien de tout ceci n'aurait pu être magique. Un merci particulier à Constance qui est en train de se trouver un public cible. À partir de maintenant, on va mettre quelque chose au clair. On va écouter un long métrage qui met en scène Gary Daniels et Gary Daniels est à moi. Gary Daniels est à moi. Depuis que j'ai vu le film qu'on va voir ce soir, et beaucoup à cause de rage et de ravage, Gary Daniels est au sommet de la liste de mon acteur préféré depuis 1998. Gary Daniels est un acteur anglais qui est souvent comme représenté comme étant la droiture dans les films dans lesquels il est. Et c'est quelqu'un aussi qui a très de la difficulté à se faire pousser du poil sur le chest. Mais vous allez rapidement comprendre, c'est parce que Gary, ses problèmes, il les botte. Et souvent, il les botte jusqu'à l'explosion, il les botte jusqu'au générique. Et ce soir, il les botte d'une manière originale, parce que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais Ken le survivant, Fist of the North Star, à la base, c'est une télésérie. Un animé dans lequel le héros, il fait juste comme tripoter le méchant, puis là, le méchant, il explose. On aime les explosions. Donc, le long-métrage, c'est une adaptation en vrai film de cette série animée dans laquelle le héros est un vrai de vrai hostie de cave. Je le disais tantôt, le mot que le héros le dit le plus souvent de toute la série, dans sa version française que moi j'ai écoutée, c'est Et à la fin de l'épisode, le méchant meurt. Et là-dedans, ça va être personnel. Et il y a Sir Malcolm McDowell, s'il vous plaît, et Sir Gary Daniels. Mais on a mis quelque chose au clair. C'est que Gary Daniels, il est à moi. C'est ça. Donc, on va arrêter de tourner autour du pot. On est là chaque lundi. Merci encore à Richard Zetirois et au Justicier Masqué. S'il vous plaît, downloadez l'application parce qu'il ne faudrait pas que le défunt Jean-Sébastien, depuis son piédestal au ciel, soit déçu de notre performance. Sinon, je suis à quelques instants de dire on écoute un long métrage particulier et différent. S'il vous plaît, VJ à la console. Quoi? Ah, mais eux autres, je les prends pour acquis. Les pile-poils sont tout le temps là, chaque lundi. OK, on peut partir le film. Simon Portelance, les pile-poils pour le montage, qui s'est amusé à fouiller dans les archives des des justiciers masqués et de moi-même. Merci beaucoup. Avec les justiciers masqués, avec les pile-poils, on s'amuse beaucoup. Oui, j'ai une fausse moustache présentement. On pourra en distribuer à tout le monde. On s'amuse beaucoup avec une application qui s'appelle Comments. Une application très amusante qui permet de commenter l'actualité québécoise, montréalaise, de la façon que vous le voulez. Ça a été créé ici par Jean-Sébastien Loiseau qui est ici. Jean-Sébastien, tu es... Et à partir de titres de vraies nouvelles, exemple, le titre vrai de cette nouvelle, c'est « Lucie Laurier partage une première photo de couple avec Pierre-Carl Péladeau ». Ce sont toujours de vraies nouvelles. Et la personne a créé le comment « Attrape-le, Lucie ». C'est Julie Snyder qui lance un bouquet de... C'est un peu chien quand même, mais... C'est le genre de nouvelles que vous pouvez commenter sur comments, C-O-M-M-E-N-T-T-S. Les justiciers masqués sont sur l'application, je le suis, et les pile-poils aussi. Et ce qu'on vous invite à tenter de faire, c'est de télécharger l'application qui est gratuite, de choisir un titre de nouvelle et de commenter l'actualité avec nous. Je vais vous donner d'autres exemples. En fait, c'est comme un laboratoire ici ce soir au Pub Brouhaha, parce qu'on a accepté le 15 juillet prochain de faire une soirée au Zoo Fest. Est-ce trop tard pour dire non? Non! Il est trop tard. OK, il est trop tard. On fera le Zoo Fest le 15 juillet prochain dans le cadre du Festival Juste pour rire. Alors, la nouvelle, c'est pas un fake news. La nouvelle est toujours vraie. On la voit dans le haut. Vous choisissez votre nouvelle dans l'actualité et à partir d'une photo que vous avez dans votre banque de photos ou sur le web, vous écrivez un commentaire en 3, 4 ou 5 mots et vous choisissez quoi? Il y a une dizaine ou une douzaine de possibilités graphiques pour commenter votre nouvelle. Et si ça vous tente de vous amuser avec nous ce soir, on a 5 prix d'une valeur extrêmement estimable. Oui, j'ai avec moi un T-shirt du Salon international des arts martiaux. J'ai avec moi 3 T-shirts de la série Slapshot. Et le grand prix d'une valeur de 5$ que j'ai trouvé dans une friperie. Vintage, original, chemise, jeans, brodé, Trump Marina Hotel. Alors, parce que vous pensez que je dis sûrement des niaiseries, j'ai la chemise Trump ici. En fait, c'est écrit Trump Marina Hotel Casino. Et ça n'existe plus, quelque chose comme ça, là. 5$ dans une friperie. Alors, il y aura ça pour un comment ce soir, plus 3 T-shirts de Slapshot que je vais vous montrer tout de suite pour vous montrer que je ne suis pas un menteur. Les Chiefs! À qui sont les Chiefs? Tout le monde le connaît par cœur. Celui-là, c'est écrit Young Blood. Young Blood. Celui qui maintenant ce soir est estimé à 2$. Salon international des arts martiaux. Deuxième salon. Et finalement, un autre chandail des Chiefs. Non, ça c'est l'autre des Chiefs. Une chance qu'il y ait du monde pour checker mes affaires. Wow. Un chandail des Chiefs. Quand même estimé à une valeur de 20$. Alors, si ça vous tente de vous amuser avec nous pour créer quelques comments ce soir et peut-être venir nous voir au Festival Juste pour rire à Zoo Fest le 15 juillet prochain, ce serait bien amusant. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Sur PC, pas de signal. Sur PC, pas de signal? Pas de signal, pas de signal sur télé. Alors, vous portez attention sur celui de droite. Radio Énergie, Sébastien Trudel animera l'émission du retour estival. On va gagner des T-shirts. Ça tombe bien. Et en bas à gauche, Radio Énergie, Sébastien Trudel animera l'émission du retour estival. Puis je vais crisser les disques de Nickelback out de la station. Alors, l'idée est assez simple. Vous créez un comment à partir d'une vraie nouvelle. Vous choisissez une photo. Vous, en 3, 4, 5 mots, vous commentez. Et à quoi ça sert? Absolument à rien. Sinon que ça que de s'amuser énormément sur l'application créée ici par notre ami Jean-Sébastien Lozo, qui est un homme mystérieux parce qu'il ne veut jamais parler, il ne veut pas qu'on le reconnaisse, mais il est prêt à payer une bière à chacune des personnes qui sera autour d'une table, disons. Jusqu'à combien de bières, Jean-Sébastien? 4? 10! 10 bières! Es-tu malade? C'est notre budget annuel! Alors, si ça vous tente, faut juste que je vois comment on peut aller sur les plus récents. Attends, je vais aller ici. Je vais essayer de voir les nouveaux. Parce que je suis un peu nul d'un point de vue informatique, mais... Hey, c'est bon, ça! Le retour dans la moustache de Richard Z. C'est qui a écrit ça? C'est-tu quelqu'un qui est ici? Ah, c'est elle qui a fait les photos. Hey, je te donne le choix entre un T-shirt du Salon international des arts martiaux, la chemise de Trump ou un des... C'est elle qui a fait notre affiche la semaine. OK, c'est une chemise de Donald Trump qui peut servir soit dans la litière, soit à nettoyer des dégâts sur le comptoir de cuisine. Chemise de nuit. Chemise de nuit, oui! Et je veux juste vous assurer, je ne sais pas si vous avez fait ça en équipe, je peux t'assurer, sur la taille de mes 3 enfants, que c'est un vintage Trump Marina Hotel Plaza. Puis en plus, je suis un peu têteux, mais ça parle de moi dans le comments, alors c'est sûr que... Marie-Pierre Laliberté, bravo. Je tiens à dire que les justiciers masqués, les Pilebois et moi n'avons pas le droit de gagner ce soir. Non, c'est la règle. Et toutes les filles, ou peut-être les gars avec qui nous avons eu des relations sexuelles, ne sont pas éligibles non plus. Comme me disait Bruno, ça élimine la moitié de la salle. je vais essayer d'aller voir s'il y en a des nouveaux. Peut-être que les justices. Comment je fais pour aller sur les nouveaux? Quoi? Jean-Sébastien, il a fait l'application. Demande à Jean-Sébastien, il a créé l'application. Là, je suis sur... Quoi? Qui en a fait un? C'est quoi? Attends. Le monsieur là-bas, il a la priorité. Toi, t'es le prochain. Parce que c'est une question de choisir les T-shirts dans l'ordre. Nouveau? OK, je vais aller dans le nouveau. Parfait, c'est bon. Ah, la petite flèche, elle se promène-tu comme je veux? Tabarnache que je suis nul. OK, nouveau. On devrait avoir nouveau. C'est ton nom, c'est le monsieur là-bas qui... C'est qui? Robot Chuck. Sécurité maritime, le Canada prolonge sa participation à l'opération. Fascinant. Hey, bravo! Alors, tu as le choix entre 3 T-shirts de Slapshot ou le Salon international des arts martiaux qui va sûrement partir très rapidement. Ou une bière? C'est parce que c'est le comments gagnant à la fin de la soirée gagne 10 bières. Mais non, on n'est pas des Chiefs, t'as un T-shirt. J'ai un T-shirt, j'en ouais. Des Chiefs, on a le gris ou le blanc, le gris ou le bleu? Le bleu! Le bleu! Il prend le bleu des Chiefs! Bravo! Je sais que ça fait peut-être bizarre de faire tirer des T-shirts, mais j'ai passé 25 ans à c'est quoi, à faire tirer des T-shirts. J'ai juste fait ça pendant 25 ans, à faire tirer des T-shirts. Alors, est-ce que quelqu'un qui est présent dans la salle... ton prénom, c'est toi, t'es le prochain. Ton prénom, c'est... Ou ton nom? Étienne. Étienne, ton nom de comment, c'est? Étienne, point d'exclamation. Est-ce qu'on a un nouveau? Tu l'as mis sur comment? F5? C'est quoi F5? J'ai jamais fait ça F5 de ma vie. C'est quoi F5? Mais je pèse sur les deux en même temps? OK, je fais F5 en même temps? La clé F5? La clé F5? Ouais, il y a un bouton F5. F5, OK. Ben non, il est Non, il n'est pas sur mon clavier. Hostie de Mac de merde. Excusez, je pensais pas. Non, mais pourquoi je le vois pas dans les nouveaux? OK, je vais aller faire nouveau en haut. Nouveau. OK, toi, c'est toi, t'es pas robot Chuck, là. T'es, ah, les pile-poils sont là, ils n'ont pas le droit de gagner. Étienne, Edmonton Police Homicide Unit has formally taken over infant death. Les deux principales suspects. Ah, c'est con. Bon, OK, je n'ai pas le choix de te donner un T-shirt. Mais on, il aurait fallu écrire les deux principaux. Ah oui, tu l'as corrigé en bas, parce que mon père était prof de français. C'était le Saddam Hussein des profs de français. Puis... Ma mère était la Matahari des profs de français. Ta mère était la Matahari des profs de français. Mon père me déchirait mon texte quand j'avais trois fautes ou plus. OK, ben on le donne à Étienne. Il choisit Youngblood. Extra large, je ne sais pas, c'est combien? Il a choisi le extra large. 2XL, c'est merveilleux. 2XL, parfait pour Étienne. Il... Un client. Ben oui, d'ailleurs, quand je suis arrivé avec le T-shirt, j'avais aucune idée c'était quoi Youngblood, puis il m'a dit que c'était dans Slapshot. Alors, il nous reste deux T-shirts à gagner pour le prochain. Je pense qu'il y en avait un des pile-poils. Les pile-poils, 10 manèges qui ont disparu en plus de la pitoune. Never forget manège militaire. Oh! Excellent! Je peux. Quand vous allez sur l'application, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez repérer tous les comments de chacun des gens qui sont sur comments. D'ailleurs, les justiciers masqués ont écrit leur millième dans les derniers jours. Bravo, les justiciers. Tout ça bénévolement. À peu près le même salaire qu'on avait à C'est quoi dans le temps. Et les pile-poils qui sont sur l'application depuis très longtemps en ont d'excellents, un petit peu hard parfois. Mais vous connaissez les frères Portelance et David, c'est leur genre. Comme je vous dis, ça sert à rien, mais c'est amusant. C'est fait d'ici. On va aller voir s'il y en a des nouveaux, de gens qui sont dans la salle. Parce que, écoutez, il me reste deux merveilleux T-shirts. À ma grande surprise, le T-shirt du Salon international des arts martiaux est encore là. Encore une pile. OK, ça, c'est un nouveau des justiciers masqués, mais ils n'ont pas le droit de gagner parce qu'ils sont ambassadeurs de la marque Commons. 10 manèges... Est-ce qu'ils sont cons, ces deux-là? 10 manèges qui ont disparu en plus de la pitoune. Une pitoune? Hey, bébé, tu veux une super ride? OK, je suis au centre. Le premier, c'est Constance. Ah, Constance, oui, qui a écrit le premier. How to celebrate Canada's... 150th birthday, bon fête. Oh, c'est excellent, Constance. Constance, que j'aime beaucoup parce que il y a deux ans et demi, quand on a fait les shows de Rock et Belles Oreilles au Centre Vidéotron et les deux shows au Centre Bell, on cherchait quelqu'un qui pouvait faire, transcrire l'esprit de RBO dans une image graphique, puis on voulait ça extrêmement simple. Et c'est Constance qui a fait le design de notre T-shirt. Bravo, Constance. Un T-shirt merveilleux, très simple, bleu, avec des figures à l'ombre sur fond noir. Et vas-y. Constance de Constance Harvey Publishing, licenciée. Suivez-la sur Facebook. Merci d'être là. On va vendre son œuvre tantôt à l'encan. Ouais. Fait que là, je comprends qu'il faut qu'on installe l'application puis qu'on en fasse un puis on peut gagner une bière. C'est impossible. C'est beaucoup trop difficile. Alors, Constance, tu as le choix entre un T-shirt du Salon international des arts martiaux, qui est présentement une valeur estimable de 5 $ et tu as le choix entre un T-shirt des Chiefs, qu'on peut retrouver sur le marché en ce moment, à peu près à 20 $ Ah, le choix était vraiment difficile. Alors, bravo, Constance. Est-ce que quelques autres personnes... N'oubliez pas que Jean-Sébastien Lozeau, le créateur de l'application, qu'on n'entend jamais, qui parle jamais, qui c'est un peu comme l'homme invisible, on l'a jamais vu vraiment. Ben là, on le voit en personne, mais d'habitude, il est dans l'ombre. Un peu comme l'homme invisible qui a créé cette application-là, très amusante. Il offre au gagnant de la soirée que lui jugera 10 bières. Est-ce que... Je vais aller voir dans le nouveau. Les justiciers... les pile-poils n'ont pas le droit d'être parmi les gagnants. Hein? C'est quoi celui de la banlieue Zarde? Le Bloc québécois soutient l'État palestinien. Fuck. est-ce que ça a été écrit par quelqu'un qui est ici ce soir? Non. Visiblement pas. On va descendre un petit peu. How to celebrate and Mountain Police, ça a tout gagné des T-shirts. Fascinant, ça a gagné un T-shirt. Ben, c'est excellent. Il nous reste le T-shirt du Salon international des arts martiaux et 10 bières à gagner pour les gens qui écriront le prochain comments. Je sais pas, c'est où qu'il faut passer. Hey, ça fait juste 3 semaines que j'ai un portable. Il y a 6 mois, j'avais un téléphone à roulette. Non, j'essaie d'aller dans le nouveau pour le mettre à jour. Non, laissez-moi 1 heure ou 2, puis ça va bien aller. Non, mais j'essaie de le rafraîchir. Refresh. F5, je le vois pas, le F5. Ici, là. OK, je viens de comprendre. Les pile-poils au milieu, toujours une valeur sûre. J'adore les pile-poils. La première fois que j'ai parlé à Simon Portelance, il m'a dit, il était sérieux, là, c'était pas une joke, il dit, mon rêve, c'est de faire la tournée québécoise de tous les PFK et de filmer tout ça. Et je me dis, bon, il niaise, il déconne, mais il était sérieux. Alors, d'où le PFK dans leur... À gauche, la FTQ veut nuire à la réélection des libéraux en 2018. Pas moi. Oh, justicier. Audacieux. À droite, les pile-poils, un Ontarien poursuivi pendant 5 heures après avoir volé une ambulance. Enfin, quelque chose d'excitant là-bas. Hey, c'est excellent, mais les pile-poils ne peuvent pas participer. Ils sont ambassadeurs commons, tant pis pour vous autres. Est-ce que quelqu'un d'autre... mon préféré... Oh, ça, c'est chien. Dibanèche qui ont dit... Non, mais à gauche. C'est qui? C'est-tu vraiment toi? Tu niaises pas? Tabarnouche, on vient de trouver notre Mike Ward sur Comments. 10 manèges qui ont disparu en plus de la pitoune. Mon préféré. Ça, là, c'est vraiment chien, mais c'est très drôle. Il reste juste le T-shirt du Salon international des arts martiaux que tu vas sûrement porter avec plaisir. Et... je sais que ça vaut 5$ parce que c'est notre compagnie qui est fait. Est-ce que d'autres... ben c'est génial. Ton nom de commande, c'est... Bernie. Oui. Oh! J'ai l'impression d'être dans un téléthon ou un radiothon. Simon Portelance, le punch de la soirée, qui vient de dire qu'il y avait des T-shirts des pile-poils à donner aux prochains commands. Et en même temps, j'apprends à me servir d'un Mac. On va aller voir s'il y en a des nouveaux. Ah, attends, ton prénom c'est? Ton nom de comment c'est? Constance avec un K? T'es qui toi? Ah non, mais toi, t'as-tu écrit quelque chose? C'est quoi que t'as écrit? How to celebrate Canada's Henry Rivlin Birthday. Bonne fête en vomissant dans une toilette. Est-ce qu'elle mérite un T-shirt, Mathieu? Répète ça. How to celebrate Canada's 50th birthday. Bonne fête. Quelqu'un qui vomit dans une toilette. Ben, c'est méchant pour les... C'est méchant pour le Canada. C'est très, très méchant pour le Canada. Mais ça vaut un T-shirt des pile-poils. Quelle générosité, les frères Portelance. Quand je pense... David, ben oui, les frères David, Mathieu, David W. Morin aussi. Je trouve ça un petit peu désagréable qu'on insulte un pays étranger comme le Canada. Mais c'est un combien? Un small? On a aussi une vis. On ne pourra quand même pas tirer une vis. Et moi, je n'ai plus de T-shirt. Les pile-poils ont des T-shirts. Et un peu plus tard, ben, dans les prochaines 5, 10, 15 minutes environ, Jean-Sébastien Loiseau, créateur de l'application Comments, décidera qui parmi les gens jusqu'à maintenant mériteront 10 bières autour d'une table. Il peut-tu faire un comment de slave parce qu'il n'y a pas de téléphone? Ben, peut-être que tu ne gagneras pas la bière, mais tu peux peut-être gagner un t-shirt des pile-poil. Ouais, le Canadian Thunder, père spirituel, les pile-poil? Oui. On me dit que ce serait une bière par bon comment. Ah, une bière par bon comment? Jean-Sébastien est beaucoup trop généreux. Oui, bien avec un maximum de 10. Alors, tous les gens qui ont gagné un t-shirt jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, c'est ça, JS? JS qui est muet, sourd, mais il communique par signe. OK, on en fait d'autres? OK, puis il y aura 10 bières. OK, c'est bon. On en fait tirer un dernier. Un dernier? Ah oui, ils sont généreux, ils font tirer deux t-shirts. Sur le web, on ne gagne pas d'argent, il faut bien faire de l'argent quelque part. Là. Je sais qu'on ne fait pas d'argent sur le web, j'en suis la preuve vivante depuis quelques années. OK, on y va avec quelques autres. Je vais aller rafraîchir F5. Je sais pas comment ça marche. Là. F5, nous. On va aller voir s'il y en a de nouveau. Oh, RoboChuck est en feu. Max Barrage, est-ce qu'il est ici? Puis inondation aide direct pour les... inondation à droite, aide direct pour les sinistrés de Shawinigan. Une poignée de main, point d'interrogation. Ça, c'est Pialka. Au milieu, Max Barrage. Les militants conservateurs choisissent leur chef. Avec une photo sans texte. Ça, c'est original, pas de texte. À gauche, out to celebrate and Canada's a fucking birthday. Q-sec, asti. Ah, il n'y a pas trop de réaction. On va passer au prochain. Marie-Pierre Laliberté, qui tout à l'heure a gagné. Banque de l'infrastructure, le bloc redoute l'ingérence fédérale. La moustache. Je ne suis pas sûr que je comprends le lien entre les deux. Ah, l'alcool fait des ravages au brouhaha. La banlieusarde d'un Ontarien poursuivi pendant 5 heures après avoir volé une ambulance. Merde, c'est du Jack, ça, pas du jus. Oh! Ontarien demandé, qui dit M. Serrois, qui n'est pas parent avec moi, heureusement. Ton prénom, c'est Olivier Serrois. Tu viens de quel coin? Abitibi, j'ai pas de parents Serrois dans ce coin-là. La FTQ veut nuire à la réélection des libéraux en 2018. Un malaise palpable. Hey, c'est une photo de... Oh, c'est une photo de tout à l'heure. Ça, c'est... Oui, qui est Gaud? Gaud, G-A-U-D, c'est quelqu'un qui est ici? Hey, Tommy, Gaudet, Gaud. Est-ce que l'animateur des soirées ici a le droit de gagner le dernier T-shirt des pile-poils? Il y en a déjà un. OK, il gagne pas. OK, à gauche, les pile-poils. Andrew Scheer lance ses troupes dans la bataille contre Justin Trudeau. On va t'avoir. Oh, les pile-poils gagnent un T-shirt des pile-poils. Bravo. C'est merveilleux. Votre générosité est incroyable, les gars. Sam Roy au milieu, Banque de l'infrastructure, le bloc redoute l'ingérence fédérale. C'est quoi de l'ingérence? C'est la femme de Trudeau. C'est méchant. Juste ici à droite, on l'a fait tout à l'heure. On va rafraîchir. Il faut que j'aille sur F5. Asti d'F5 demain. OK. On va aller voir si RoboChuck était en feu tout à l'heure. Charest. Le libre marché de la démocratie. Go, go, go, power, Coder. Oui, c'est bon. S. Charest, bravo. Au milieu, Ultra Ben 97. Hey, c'est mon chum Ben 97, hein? Y es-tu ici, Ben? Non, il est encore à la job. Oui, Ben et moi, on était dans le parti Rhinocéros en 1984. J'avais eu 2000 votes dans le comté d'Hochelaga-Maisonneuve. Est-ce qu'il a le droit de gagner? Oui, mais comment on va y envoyer sa bière par Internet? Il va venir la prendre tantôt. OK. Il travaille à RDS. Out to celebrate Canada's 150th birthday, 24 heures sans maladresse pour Trump. Est-ce qu'il y a un lien entre le titre et la photo et le texte? C'est de la politique. C'est de la politique. Il y a un lien. À droite, Bernie. La grève évitée OCN. Maxime, ça c'est la vraie nouvelle. Ça a failli dérailler. Oui. Est-ce que Bernie est ici ou il est chez lui? Bernie, c'est lui! Tabarnak, j'ai dit non, ben là, tu fais quasiment 2 fois qu'il gagne. Bravo, Bernie! Oh, ça, c'est trop méchant à gauche. Non, celle-là, je... Non. Hey, c'est une fille en plus. Non, on ne rit jamais du physique des gens à part le mien. La blonde à Alex qui fait la technique. Ah, moi, j'aurais tout vu. OK. Elle signe Sue La Rose. C'est toi, Sue La Rose? Le vrai titre. Et c'est vraiment important que je vous dise que le titre est toujours, toujours vrai. D'ailleurs, si on clique sur le titre, vous allez avoir la vraie nouvelle. Banque de l'infrastructure, le bloc redoute l'ingérence fédérale. Moustache de Massé, plus petite que Richard Z. Non, ça là, c'est vraiment méchant. Mais ça vaut un t-shirt des pile-poil. Bravo à Sue La Rose, nouvelle abonnée Comments. La Rousse. Ah, excusez-moi, je lisais La Rose. Mes lunettes sont... La Rousse est rousse. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois que je viens ici, j'ai toujours l'impression que je suis genre un vieux traite de mescaline. Je comprends jamais. Je sais, je l'ai compté souvent, mais c'est parce que je comprends pas toujours ce qui se passe dans le bar, tu sais. OK, vous voulez qu'on rafraîchisse? F5. OK, on a été sur F5. On va aller voir s'il y a quelque chose de nouveau. La banlieusarde. Elle est assez hot, la banlieusarde. La FTQ veut nuire à la réélection des libéraux en 2018. Je t'ai cassé. Ouais. Oh, à gauche. Non, on a du bon stock ici. À droite, out to celebrate Canada's 150th. Jack Daniels. Yeah. La banlieusarde est où, la banlieusarde? Chez elle ou Internet ou dans Baptiste? OK, ici, la banlieue. Bravo, la banlieusarde. J'ai comme vraiment l'impression que tu vas avoir une bière tout à l'heure, toi. Bravo. Au milieu. Marie-Pierre La Liberté, est-ce qu'elle est ici? Parce que quand je pose la question, c'est parce qu'il y a des gens qui sont probablement chez eux, parce que continuellement, elle a gagné tantôt, c'est assez. Elle a gagné une fois, c'est assez. À gauche, le libre marché de la démocratie, pile poil. Oh. Félix, oh là là. Vas-y. Juste rapidement, publicité, s'il y en a qui veulent le chandail de pile-poil, il nous en reste notre fin de production. En tout cas, on en a quelques-uns, faites si vous en voulez, c'est vraiment pas cher. Combien ça coûte? C'est 20$. Mais c'est des chandails d'excellente qualité, produits par nul autre que Richard Z. Sirois. C'est ça, c'est notre plug. Tiens, Richard. OK, merci. Je fais pas ça pour faire de l'argent des t-shirts comme ça. D'ailleurs, j'en perds à chaque fois. J'ai pas compris comment ça marche, la business. Au milieu, j'aime ça. Constance. C'est notre Constance Herbio? Ouais. Photo de Charles Bois, Dubois, Charlotte Cardin, Michaud en vedette à la fête nationale à Montréal. Très bon flash. Oui, pas de mots, juste une photo. Bravo, Constance. Pour ça que t'as fait nos t-shirts. T'as de l'imagination. Max Barrage. How to celebrate Canada's 150th birthday, smash the state. C'est politique. Robotchuck, les militants conservateurs choisissent leur chef et il est parfait. Oh! Des sénateurs amochés, ça va coûter cher de Band-Aid. Johnny Pub, est-ce qu'il est ici, Johnny Pub? Tabarnak, Johnny Pub, bravo, c'est bon? Avec un chandail Stenberg Vintage. Bravo, Johnny. Jean-Sébastien, est-ce que tu as pris le compte des 10 gagnants d'une bière? Pas encore, OK. Alors, on va aller rafraîchir la page. Comme je vous dis, c'est très amusant. Ça coûte rien. Il n'y a pas de pub. On ne sait pas encore à quoi ça sert, mais c'est très amusant. À gauche, la FTQ veut nuire à la réélection des libéraux. Richard Zen, mon idole. C'est toi, c'est moi. Olivier Sirois, celui, la branche de la famille qu'on a reniée, nous, de Matane. Non, je l'aime beaucoup, Olivier, j'aime beaucoup. Quand quelqu'un porte le nom de famille, Sirois, c'est... De toute façon, en famille, on couchait tout le monde ensemble, fait que... on est sûrement consanguins. On avait pas le choix. Oui, comme il dit, en Abitibi, il n'y avait pas le choix de coucher avec du monde de la famille. C'est ça, ou les mouchoirs? Oui. Oh, oh, maman est là. On va faire... tu signes... C'est quoi ton nom de comments? Jolit? DJ Oli. DJ Oli. Oh, je n'avais pas compris. DJ, écoutez, son nom comments. DJ Oli. Wow. Merci, c'est parce que je dors beaucoup. Il dort beaucoup. On va aller rafraîchir. L'application est gratuite et très amusante. Et je répète, les pile-poils, les justiciers et moi-même n'avons pas le droit de gagner. Constance, qui est vraiment hot, Constance est en feu. Au centre, poutine à 1$ dans ce restaurant montréalais aujourd'hui. Ruffles Poutine. Ah, y a pas, ça n'existe pas, des Ruffles Poutine? Non! Non, non, vous niaisez toute la gang ensemble. Sérieux, non, je vous jure que j'adore les Ruffles, j'adore la poutine. Répondez oui ou non, tout le monde en même temps. Est-ce que les Ruffles Poutine existent? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Hey, j'ai tellement hâte de partir d'ici pour aller au dépanneur. Non, non, mais c'est pas vrai. J'ai jamais vu ça. Mais c'est juste à Montréal. C'est juste genre branché plateau, non? C'est... Édition limitée que mon cousin Olivier Sirois me dit. À droite, les militants conservateurs choisissent leur chef. Ça vient de Marie-Pierre Laliberté. Ah, c'est très bon, ça. C'est moi. Bravo. Excellent, Marie-Pierre. C'est politique. Mais bon, c'est politique. À gauche, inondation, aide directe pour les sinistrés de Shawinigan, financée par le PCC. L'Arche de Noé du Parti conservateur. Ouais, vous êtes bon. Vous êtes bon. À gauche, sénateur McCain says Putin bigger than that ISIS food fight. Je la comprends pas. Quand c'est politique, des fois, je ne comprends pas. Poutine, McCain. Ah, Poutine, McCain. OK. Il y avait plusieurs éléments de nourriture dans cette nouvelle. Alors, c'est un peu la folie entre Robotchuck et Constance. Oh, oh, oh! Je pense que tout le monde en même temps vient de comprendre comment ça marche parce que les trois prochains sont vraiment bons. Non, là vraiment, on commence à tomber dans le gros calibre de comments. Un piéton a happé mortellement par un autobus scolaire à Montréal, puis la personne dit « j'ai le doigt ». C'est vraiment chien, mais c'est ça le principe un peu. D'ailleurs, il n'y a pas de censure sur notre... Au centre, à S. Charret... 10 manèges qui ont disparu en plus de la pitoune. La pitoune japonaise. Excellent. Japonienne, comme hawaïenne, genre. Excellent, bravo, j'aime ça. À droite, Ben. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est notre Ben 97 ou un nouveau Ben. Non, un autre Ben. Comment Instagram atteint l'assiette des jeunes? C'est quoi, c'est de la drogue? Qu'est-ce qui est... La mescaline. OK. Non, c'est bon. C'est bon. J'aime ça parce que on dirait que vous avez tout compris en même temps comment ça marche. Aucun filtre. Non, il n'y a aucun filtre sur comments. Alors, profitez-en pendant qu'il n'y a aucun filtre sur comments. À droite et pile poil, le pharmacien Jean Coutu a 90 ans. Il est bien trop fort. Simon, je ne comprends pas ta dernière. Vas-y. C'est les pubs de Jean Coutu il y a 10 ans où est-ce que des enfants, ben, ils jouaient à comme des jeux de guerre. Ben, dis-moi, il m'a prendre Rambo. Moi, il m'a prendre Sylvester Stallone. Moi, il m'a prendre Jean Coutu. Hey, tu peux pas, il est ben trop fort. C'était okay. Ça. Ouais. Bravo, les pile-poils qui gagnent encore un autre t-shirt des pile-poils. Au centre, S. Charret. Pourquoi démolir le pont Champlain? J'ai le doigt. Ça, cette réplique-là revient souvent, je la trouve bonne. J'ai le doigt. Oui. Marc-Antoine Audette. Richard Z, je vais te donner la liste. Ça va être le choix du président ce soir, puisqu'on vient de trouver 10 gagnants! 10 gagnants d'une bière, une gracieuseté de Jean-Sébastien Lozo de Comments. Est-ce que tu veux les lire de ta voix magnifique, Richard? Hey, Larry! OK, alors les 10 gagnants choisis par le mystérieux Jean-Sébastien Lozo, l'homme qui ne veut pas être ni photographié, ni entendu, ni vu. Qui se lève d'ailleurs au moment où c'est le temps de payer de la bière, il se sauve. Sous la rousse. Où est sous la rousse? OK. Oui, tu bois pas de bière? Ben, as-tu un ou deux chums ici avec toi? OK, ben tu gagnes une bière, Sous. OK. Ça, c'est Charret? S. Charret! Où est S. Charret? OK. Bernie, est-ce que Bernie est ici? Oui, Bernie, tu gagnes une bière. Constance, c'est sûr, Constance, c'est trop fort, t'es trop hot, tu gagnes une bière. Gold, ben ça, c'est Tommy Godet. Tommy, non, mais c'était bon. Robot Chuck, est-ce que Robot Chuck est ici? Tu gagnes une bière. La banlieusarde est ici? La banlieusarde, où elle est, la banlieusarde? Elle était peut-être pas chez elle, mais elle gagne une bière. M. Pierre La Liberté, tu gagnes une bière. Ben 97, il viendra un peu plus tard, je pense qu'il travaille à RDS. Et Johnny Pub, tu gagnes une bière. Alors, merci beaucoup de nous avoir laissé s'amuser avec vous sur Comments. C'est une application amusante qui vous permet de commenter l'actualité, toujours à partir de vraies nouvelles. Alors, merci énormément. Et Simon, je pense que tu as préparé d'autres montages pour tout à l'heure. Peux-tu les venir? On a un deuxième bloc de montage, de clips, en fait, qui mélange des archives diverses, des vieux sketchs de RBO, puis deux, trois sketchs des pile-poils. Fait qu'on va lancer ça, les copains. Et si vous voulez des T-shirts, il nous en reste. Merci beaucoup! Merci tout le monde!